Bonjour, bonjour live du 21 décembre 2021. Donc, il n'y a personne. On va attendre un peu qu'il y ait au moins une personne. Il y a Isia Perrin qui a fait une transcription de ce que j'avais fait, je crois. C'est le 13 décembre, je crois. Donc, je mettrai le lien dans la description. Ben tiens, je vais le mettre ici, dans le chat, puis je le mettrai aussi dans la description. Bonjour CP. Tenez, voici le lien. Donc, bonjour SL. Il y a beaucoup d'initiales aujourd'hui. Samir Petitka, bonjour. Oui, à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Ah, bonjour Stéphanie. Donc, c'est un live un peu spécial aujourd'hui. Bonjour. Le mochisme. Ah oui, bonjour à vous. Ben, comment ça? Ben, je voulais annoncer, c'est quelqu'un qui m'a écrit pour me dire qu'Isia Perrin avait fait une transcription. Bonjour, Lison. Avait fait une transcription de mon live. Pas mon live, excusez-moi, là. Je suis un petit peu préoccupé ces temps-ci de ce que j'ai ma prise de parole le 13 décembre. Elle a fait une transcription. Donc, je vous ai mis le lien. Puis, bon, ceux que ça intéresse, je vais aussi mettre le lien dans la description là, plus tard. Donc, bon. On a vu ici au Québec, là, je sais qu'il y a des Québécois, là, comme j'imagine, là, Stéphanie, que c'est vous êtes québécoise. Bonjour, Vincent. Et puis, on a eu hier nos trois stooges, là. Ben, nos trois stooges, j'en manquais un. C'est qu'il y avait juste, il manquait François Legault. Mais qui ont dû, je suis, ils repartent là, leurs affaires, là. Puis, on peut se douter vers où ça va aller. Puis, ils ont décidé, là, ils ont attendu justement que les restaurateurs, les tenanciers de bar aient acheté leur stock pour la période des fêtes on ne se le cachera pas. Une des périodes qui fait qu'ils vont bien faire leur année ou pas, ils ont attendu qu'ils achètent tout leur stock, puis là, ils ont interdit, ils ont décidé de tout fermer. Puis moi, personnellement, je considère que c'est pour qu'ils fassent faillite et qu'il y a une attaque réelle de l'économie, que c'est voulu. Donc, le couvre-feu, oh oui, ça va finir par revenir. Je l'avais dit d'ailleurs, puis vous allez voir que, dépendamment de votre statut vaccinal, peut-être que ce ne sera pas les mêmes règles. Mais ça, j'en avais parlé il y a quoi, 3 mois? 3, 4 mois? Mais on pouvait s'en attendre, s'y attendre à ça. Il faut vraiment être naïf pour pas le voir. Pourquoi? Parce que c'est politique. Vous savez, là, François Legault, il est allé proposer. Vous savez, il fait des lectures, là, comme si lui, il avait le temps de lire, puis que c'était un grand lecteur. Puis là, il nous propose des livres de Marie Laberge et compagnie. Puis là, il nous a proposé le livre de Schwab. Il l'a pas lu. C'est pas un intellectuel, le gars. En tout cas, des vrais psychos, oui. Pas psychotiques, des psychopathes. Mais psychos, oui. Je préfère le saumon à la dinde. Le saumon à la dinde. Je la pogne pas, Samir. Ah, vous préférez le saumon à la dinde. OK. Excusez, là, je suis pas. Moi, ben, on est des poissons. Fait que, bon. Puis, elle va revenir à la dinde noire, dans le sens de notre ministre de la Sécurité publique, là. Je l'ai déjà dit jusqu'où ça va aller. Je l'ai dit d'avance jusqu'où je considère que ça va aller. Bonjour, Jaliane. Ça va aller aussi loin que les gens vont. Il va toujours rester une majorité de gens qui sont naïfs, qui sont suggestibles. Qui sont suggestibles. Donc, ça peut aller jusqu'au bout. Ça va tout le temps aller sur le bord de la catastrophe avant que les gens se réveillent. Comme à chaque fois que l'humanité a eu des crises comme ça programmées. Donc, moi, je le sais jusqu'où ça irait. Si c'était moi qui décidais, ça cesserait immédiatement. Il y aurait des procès, puis On érigerait des bouts de justice, puis ce serait pas long, toutes les preuves sont dans notre face. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a affaire à des. Au fond, c'est quoi? C'est le système bancaire international qui veut. C'est pas. Vous savez, quand Woodrow Wilson est arrivé près de sa mort, bonjour Moon, il a dit qu'il avait des regrets pour avoir créé, entre guillemets, créé la Société des Nations. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien créé du tout. C'était une marionnette, Woodrow Wilson. Et il se rendait compte. En tout cas. C'est ce que vous appelez au Québec les niaiseux, il me semble. Bouf. Vous savez, là, la majorité des gens, c'est pas qu'ils sont, je dirais, des naïfs. Il y a une différence. Mais là, ça dépend de quoi vous parlez. À quelle distance du bord de la catastrophe? Je le sais pas. J'en ai aucune idée. Vous savez pourquoi? Parce que les Québécois, ce sont des gens. Ce sont de bonnes gens, c'est-à-dire c'est des gens bien intentionnés souvent. Mais on y reste que c'est une société très hypocrite, là, le Québec. Mais c'est du bon monde. Ce qu'on appelle du bon monde. Puis il y a quelque chose de péjoratif, moi, quand je dis du bon monde, c'est-à-dire que tout ça serait impossible si les gens étaient moins naïfs. C'est pas pour rien que. Il y a eu la grande noirceur au Québec, puis après ce qu'on a appelé la grande noirceur, parce qu'à mes yeux, Duplessis n'était pas si fou que ça. Il n'était pas aussi pire qu'on nous l'a laissé entendre quand il y a eu après Jean Lesage, puis la Révolution tranquille. On le faisait là par après, oh, c'est un paranoïaque qui voyait des communistes partout. Ben oui, mais regardez où on en est, là. Il y a eu une espèce de coup du système bancaire qui a financer certaines idéologies internationalistes alors que c'est totalement hypocrite, là. Puis finalement, pourquoi? Pour détrôner certaines choses, certaines structures, détruire certaines structures. Prenez juste sous Louis XV, là, Jeanne Poisson, hein, qui a plus tard été connue sous un autre nom, c'est des banquiers qui l'ont formée. La monarchie française était déjà finie dès que cette femme-là est arrivée à la cour, vous savez. Bon, c'est la même chose, c'est des choses ça se prépare sur des générations. Puis bon. Bon, je n'ai peut-être perdu des bouts, là. Donc, on fait quoi en attendant? Ben, vous voulez faire quoi tant que la majorité. Ben, il y a des moyens de conserver une dignité. Au moins en disant quelque chose, ce serait déjà une base. Parce que vous savez, le problème est-il l'américanisation? Je dirais que, ben prenez, ça va plus loin que ça, c'est transnational le problème. Mais c'est un problème lié à des anglo-saxons. Parce que prenez, là, comment je pourrais dire ça? Mais c'est vrai, oui, jusqu'à un certain point, oui. Mais c'est pas que ça, parce que là, on a affaire à, entre autres, comme la. Entre autres, prenez. Pourquoi au début de tout ça, il y a plus d'un an, j'avais dit les pays à surveiller, entre autres, qu'il va falloir surveiller beaucoup, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est. Vous savez, là, on a affaire à un problème qui est transnational et anglo-saxon à mes yeux, entre autres. Mais c'est clairement de l'occidental qui a la tête de ça. On essaie de nous faire peur avec les Chinois. Qui a financé Mao? Hein? Qui a financé la révolution bolchevique en Russie? Comment c'est arrivé? Qui servait de courroie de transmission? Puis blablabla. Donc, bonsoir à vous tous et toutes, bonsoir. Donc, moi, à mes yeux, c'est clair que, bon, il y a quelque chose là-dedans qui est lié à mes yeux à. Je fais attention, j'ai tellement. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Je me sens carré, vide, mais en attendant, je suis encore là. Je ne sais pas quoi faire, rien ne m'intéresse. Et je foutu, ben non, pas nécessairement. Vous savez, là, avec le DSM et puis la psychiatrie moderne, on a essayé de nous faire croire que certains symptômes liés au fait que nous devons digérer notre expérimental, si on veut le transmuter, puis aller vers un état d'être plus sophistiqué, si vous voulez, que c'était de la maladie. Oui, c'est prenez quelqu'un qui vit un deuil, par exemple. Si vous le mettez sur antidépresseur, vous le bloquez dans une stase, puis il va être malade toute sa vie, peut-être même. Alors qu'il s'agit de processus normaux. C'est normal, c'est une réaction normale. Puis d'ailleurs, elle est là, la guerre. Quand j'ai parlé justement le 13 décembre, je dis, c'est normal qu'il y en a qui soient un petit peu dépressifs. Ben oui, mais c'est une guerre contre les populations, ou c'est une guerre psychologique, surtout. Donc, c'est normal d'avoir des réactions. Moi, je considère que ce sont des réactions normales. Puis bon. Comment tu te sens? Je me sens pas bien. Moi, je parle pas monsieur, là. Si la question était pour monsieur, ben le machisme, j'imagine que c'est un monsieur. Mais moi, je me sens pas bien. Pourquoi? Parce que j'ai fait ramasser le chat hier par la SPCA. Parce que j'ai pas les moyens de payer la propriétaire 75 $ par mois. J'ai pas réussi à lui trouver un foyer. J'ai pas réussi. Puis, c'est sûr que je m'en veux. Je suis quelqu'un d'assez sensible. Puis, je m'en veux, c'est sûr. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas me permettre de payer 75 $ par mois. Puis, là, je suis pas non plus capable d'être hypocrite avec la propriétaire. J'ai jamais agi comme ça. C'est-à-dire que j'ai signé un bail, puis qu'un bail, c'est un contrat, puis je me suis engagé. Donc, j'étais en conflit, j'ai pris une décision, j'ai essayé d'étirer ça le plus longtemps que je pouvais. Le 21, c'est mon anniversaire. Bon, ah, ben, joyeux anniversaire, mais faites-nous pas comme... Un autre qui avait eu ses 46 ans puis qui nous a pas lâché du live par cas. Ben non, joyeux anniversaire, l'atelier du soir. Karina, oui, sinon tous ceux qui intègrent seraient médicamentés. Et voilà. Et en les médicamentaires, vous créeriez une stase qui empêche l'intégration. Puis après, les gens, ils vont aussi, vous savez, aller geler une souffrance psychologique pour finalement subir une indifférence, une stase tout le reste de sa vie, c'est pas intelligent. Ça, c'est mon opinion, là. Donc, oups, ça c'est parti trop tôt. Je suis un mec, j'habite à Victoriaville. Ah, je me doutais que vous étiez un homme. Mais tu as essayé. Attends, ben là, je m'en... C'est pas que je m'en veux, vous savez, mais c'est moi qui l'ai mis dans la cage. Puis, vous savez, ce chat-là, il m'avait choisi. Puis il me faisait une confiance totale et absolue. Il se roulait comme un gros bébé là, sur mes genoux. J'ai senti en un quart de seconde qu'il comprenait, qu'il savait, puis que toute confiance était partie. Puis j'ai senti la vibration là, d'une profonde peur. Puis c'est certain que je suis encore ébranlé par ça, puis que je l'ai trahi, hein. Je l'ai trahi au fond. Ça peut pas, je peux pas le voir autrement, donc. J'essaie de maintenir. Ben oui, je suis certain. Ted Kaczynski aurait fait partie d'un groupe spécialement sélectionné pour la CIA pour tester les LSD. Ben oui, ben si, il y a eu des. Oui, il a fait partie d'expériences. Je pense qu'il était. Il était-tu à Yale, lui? Je me demande si c'était à Harvard ou Yale. Mais il a ressorti. Oh, oui, il a fait son possible pour essayer de le faire partir pour délirant. Pourtant, moi, je l'ai lu, son manifeste, puis il n'y a rien de délirant là-dedans. Mais c'est un néo-ludite. Un néo-ludiste, vous savez, le néo-ludisme. Ben oui, mais même le Norbert Wiener, je pense, Wiener, celui qui a théorisé, caractérisé la cybernétique, a sonné l'alarme, puis la Deuxième Guerre mondiale n'était pas finie. Il a sonné l'alarme sur ce que pourrait devenir la cybernétique dans les mains de certains États qui pourraient devenir transnationales au niveau du contrôle, puis. Bonjour, Athéane. Oui, ben vous savez, là, il y a Ken Pereira qui a beaucoup parlé de. Voyons, Julian Assange. Julian Assange. Julian Assange, quand il était enfant, a fait partie de ce qu'on a appelé une secte, d'une femme, un esti de folle, qui l'a bourré de LSD, qui bleachait les cheveux des enfants. Puis ça ressemble étrangement à certaines expériences qui ont été menées dans les sous-sols de l'université McGill. Sur des enfants. Puis Ken Pereira, il n'en parle pas de ça. Hein? Puis je ne comprends pas. Moi, j'en ai parlé là, il y a plus de 4 ans. Même, je pense que ça fait au moins 5 ans à un moment donné. Puis je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'il y en a personne qui parle que Julian Assange, il a peut-être été programmé selon des programmes un peu, justement, comme Ted Kaczynski, c'est un autre cas, mais à mes yeux, ça fait partie des mêmes programmes. Puis je comprends pas que Can Pereira, il n'en parle pas de ça. Il parle souvent de Julian Assange, puis il parle de Julian Assange, mais pourquoi il ne parle pas de ça, ce qui est arrivé en Australie? Cette femme-là, elle a eu la complicité des services sociaux. Ils ont kidnappé des bébés. Je comprends pas que s'il n'en parle pas, Can Pereira, calisse, c'est pas assez intéressant. Il fait pas le lien, il voit pas le. Là, je t'envoie de la bonne pensée, des vagues joyeuses, j'ai toujours aimé. Bon, les solstices d'hiver. Merci beaucoup. Bonjour, Manon. C'est une Manon que je connais. Ici, pour Noël cette année, les familles demandent aux non-vaccinés de se tester avant les fêtes. Ben, vous voyez comment le monde est gnochon, les files d'attente pour aller chercher les tests. Ah, c'est gratuit. Ben oui, c'est pas payé avec l'argent des contribuables. Hein, c'est gratuit. Puis bien entendu, si on regardait comment les transactions qui font que ça a été acheté, la façon dont ça a été acheté, on verrait rien. Hein. Il n'y aura pas de conflit d'intérêts. Je ne sais pas, là, mais au moins, il faudrait que quelqu'un regarde ça. Mais pour revenir, par exemple, les certains programmes de la CIA. Ah, salut, météoriste média. J'ai peur d'activer des robots en disant ce mot-là. Bonjour, je ne vous avais pas vu. Donc, je comprends pas pourquoi que ça se parle pas, ça. Que ça se parle pas. Comment elle s'appelait donc, elle? Barn. Hamilton Barn. C'est quoi donc son prénom, dont elle? Anna Hamilton Barn. Puis l'autre, là, son médecin, là, le docteur, ils ont bourré des LSD des enfants. Ils ont programmé les mêmes techniques, là. Le même genre de programme que certains États ont fait en cachette. Puis je vous ferai remarquer que l'Australie, bon, mais ça fait partie d'un certain empire que les services anglais sont affiliés à la CIA. Bon. En tout cas, bonjour Omega. Donc, on a tué le père Fouettard. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par ça. Vous savez, au Québec, le père Fouettard, c'est ce qu'on appelait le bonhomme 7 heures. Mais en fait, ça vient d'un terme anglais qui était boon setter, c'est-à-dire que dans le temps, il y avait ce qu'on appelait des quêteux qui passaient d'une maison à l'autre, puis souvent leur apparence faisait peur aux enfants. C'était des sortes de sorciers de campagne, si vous voulez, des fois, ou des fondeurs de cuillères qu'on appelait. Puis en anglais, comme ils avaient des talents de ramancheurs, si vous voulez, qui étaient capables de replacer des os à des gens qui avaient des troubles musculaires ou articulaires. En anglais, on les appelait des replaceurs d'os. En québécois, un ramancheur, c'est-à-dire bone, comme des os, setter, qui replace des os. C'est devenu bonhomme setter. Ça, c'est ce que disent les gens qui ont étudié la mythologie populaire au Québec, mais bon. Oui, je connais l'œuvre de Rudolf Steiner. Je la connais. Les ramancheurs meurent. C'est de là que vient Bonhomme 7 heures. Ça viendrait de Boone 7 heures. Mais le père Fouettard, c'est ça pour moi, c'est ça que ça veut dire, là. On disait aux enfants, si t'es pas couché à 7 heures, le bonhomme 7 heures va venir te battre. C'est comme, vous savez, les tontons Macoutes en Haïti, c'était une sorte de bonhomme 7 heures avant que Duvalier Père donne ce nom-là à sa milice. J'ai entendu la même histoire, moi, c'est possiblement réel, mais je ne suis pas sûr. De toute façon, c'est du réel à propos d'affaires niaiseuses, pas réel. Mais il y a ça dans toutes les cultures. Comme le tonton Macoute dans la culture haïtienne, avant d'un nom qu'on a donné aux milices de Duvalier Père, le Papadoc, le tonton Macoute, c'était souvent l'histoire, ah, t'as un oncle qui était zombifié sur une plantation. Puis si t'es pas gentil, il va venir te chercher pour t'amener sur la plantation, travailler comme esclave. Il va te mettre dans sa macoute. La macoute, c'est une sorte de sac en bandoulière, une sorte de sacoche. En tout cas. Et ça faisait peur aux enfants parce que les gens criaient fort quand le ramancheur ramanchait. Ben oui, c'est sûr que c'est inquiétant. Ben oui, parce que je sais pas si vous avez déjà été chez le chiropraticien, mais des fois ça fait du bruit, même si vous criez pas, c'est impressionnant. Les hommes en noir sont-ils une fantaisie? Moi, je pense que c'est une stratégie de guerre psychologique. Peu importe elle vient d'où, mais c'est clairement fait pour engendrer de la crainte. Donc, oui et non. Oui et non. Vous savez, il y a tout à plusieurs aspects à un phénomène sociologique comme ça. Donc, oui et non. Je vois pas quoi dire d'autre. Je suis pas dans un état très, très. C'est pas comme le 13 décembre. Là. Je suis pas dans un état comme le 13 décembre où j'étais d'une certaine éloquence. Puis aujourd'hui, là, je me sens un peu. Comme je vous dis là. La Lune est-elle habitée? La Lune est clairement. Il y a des choses étranges qui se passent sur la Lune. Tout ce que j'ai à dire. Ça dépend à quel niveau vous voulez dire, parce qu'il y a des êtres qui n'ont pas le même niveau de densité que nous. Donc, vous voulez dire habité par quoi des humains? Y a toutes sortes d'affaires, hein? Même la Terre est habitée à différents niveaux de densité. À mes yeux, c'est une évidence. Mais la Lune est-elle habitée? On va faire quoi avec ça, là? Quand bien même, je vous dirais oui ou non. Puis je me mettrai à déblatérer sur ça. On fait quoi avec ça, étant donné qu'on ne peut pas vraiment vérifier là maintenant? Je veux dire, au niveau pratique, pragmatique dans la vie d'un humain, puis au niveau aussi aux problèmes que nous rencontrons maintenant sur Terre, juste au niveau de la politique, puis du. On fait quoi avec ça, là? Ça change quoi? C'est ça ce que je veux. Je ne sais pas, je voyais ce que je veux dire, là. Habité par les copains de Richard Glenn. Moi, je soupçonne les forces par rapport à Glenn de venir de plus près que ça. Pourrais-tu nous décrire concrètement ce que Bernard a vécu comme souffrance? Ben ça, il faudrait que lui la décrive. Mais vous savez, c'est arrivé d'un coup. Il y a une dépersonnification dans le sens où on lui a enlevé sa mémoire. Puis, il y a des états de panique de liés à ça. Entre autres. Puis aussi de voir, après, quand il retourne dans sa famille, puis il voit les gens de son entourage pris au dépourvu. À un moment donné, il a laissé ses études. Puis, souvent, là, la souffrance comme quelqu'un, pour moi, ça va être lié à la souffrance des autres. Parce que moi, personnellement, je m'en fous de moi. Dans le sens que, prenez le chat, pourquoi que ça me fait quelque chose? Parce que je l'ai senti. Je l'ai senti, puis que j'assume la responsabilité. C'est sa souffrance à lui qui me dérange, pas la mienne. Donc, la souffrance, à un moment donné, quand on passe du psychologique au vibratoire, puis même là, moi, je suis pas transité totalement, là. J'ai juste perdu assez de souffrance psychologique pour sortir d'une dépression qui durait depuis 20 ans. Puis devenir. Mais devenir. Est-ce que tu as peur? Non. Non. Pas du tout. J'ai peur pour les autres. Mais pour moi, non. Donc, est-ce que j'ai peur? Est-ce que c'est de la vraie peur, ça? Non. Estimer, c'est une clé, oui. Ben oui. Et je veux dire, si on ne peut pas être créatif si on n'assume pas les mouvements. Parce que c'est nous autres qui décident si on laisse ou pas un programme s'accomplir. Je sais pas si vous voyez. Peux-tu faire la différence entre une souffrance psychologique et une souffrance vibratoire? La souffrance vibratoire, c'est un profond inconfort au niveau des corps de différence. C'est-à-dire que, au lieu d'être juste dans le corps psychologique, si on peut dire. Comme le mal-être, ces choses-là, ça va être réparti sur l'ensemble des corps parce qu'il y a une multidimensionnalité qui s'est ouverte. Donc, c'est quelque peu différent. C'est un peu comme si, au lieu d'avoir une goutte de quelque chose de très déplaisant sur la langue, ben je vous la dilue dans votre soupe. Ça ne veut pas dire que des fois, c'est pas plus qu'une goutte, là. Mais c'est difficile à décrire justement parce que c'est pas psychologique. Ça va être un inconfort énergétique dans le sens que je file pas bien, je suis pas de bonne humeur, je suis pas content, mais psychologiquement, je souffre pas. Il va falloir que je sois en contact avec des gens qui souffrent psychologiquement pour le ressentir. Mais c'est comme ça, on peut endurer longtemps des situations vraiment terribles. Puis, c'est difficile à décrire, vous savez. Il y a certaines expériences qui ont été faites par rapport à des traumatismes faits exprès sur des gens. Puis quelque part, il va avoir une division. Il va avoir comment je pourrais dire ça? Il va avoir une subdivision au niveau des corps, une dépersonnalisation. Ben, ça ressemble à ça, sauf que dans le cas de quelqu'un qui passe d'une souffrance psychologique à une souffrance vibratoire, ça va être conscient. Ça sera pas un mécanisme inconscient qu'il faut observer de l'extérieur pour en prendre compte. C'est-à-dire, il n'y aura pas de perte de en tout cas. C'est assez complexe à expliquer, à mettre dans des mots. Mais la souffrance vibratoire, moi, je vais la ressentir comme un profond inconfort. Mais c'est pas psychologique. C'est très difficile à décrire. Ou bien, il va y avoir des mises en vibration. Il y a de l'inconfort. Je le sens. C'est comme si j'étais assis sur une cocotte minute, là, puis l'heure est à l'énergie neutre, le calme et à la douceur. J'ai beaucoup de bien avec une chienne que j'ai libérée d'une vie de merde. Ben oui, ben, vous avez eu un mandat lié à ça. Mais vous savez, le calme et la douceur, c'est justement parce que la masse est à la recherche puis se complète dans le calme et la douceur que plus tard, il n'y en aura pas peut-être de calme et de douceur. Puis il va falloir subir le fait d'avoir été inactif maintenant, collectivement. J'ai peur pour mes enfants, c'est tout à fait normal. Quand je suis entré en première année, je me suis mis à avoir peur pour mes enfants dans le futur. J'ai pris la décision de jamais en avoir. J'aimais trop mes enfants pour en avoir. Donc, j'ai pris la décision de ne pas en avoir. C'est pour ça que j'ai pas d'enfants. Mais je vous comprends. J'ai peur d'eux. Là, est-ce que je suis mieux placé? J'ai peur pour tous les enfants. Je sais pas, là. Peut-être que si j'avais des enfants, je serais focusé sur les miens, puis que je trouverais ça moins. La glande pinéale a-t-elle déjà joué un rôle plus important dans l'évolution de l'humanité ou la clé? Mais oui. Il n'y aurait pas de phénomène. Il n'y aurait pas possibilité que les hommes soient liés entre elles, comme elles le sont. Il n'y aurait pas d'homme collectif sans ces petits morceaux. Les civilisations n'auraient pas pu se créer. Il n'y aurait pas eu le contact avec ce qu'on appelle les sphères, ce qui a engendré les civilisations. Mais là, ça devient un petit peu. J'aperçois ton inconfort. Cela est étrange, pas nouveau pour moi, mais je suppose que cela est lié à mon propre moi. Ben oui, en ce moment, il y en a beaucoup de l'inconfort. Pourquoi? Parce qu'il va possiblement se produire des événements. Il y a une charge qui s'accumule, entre autres. Donc, pas d'enfant non plus pour les mêmes raisons. Bon, vous voyez, on s'évite en karma, mais on en a tout le temps un pareil quelque part, dans le sens que c'est un peu comme il disait dans le temps en philosophie, peu importe ce que vous faites, vous allez le regretter. Dans le sens où on est encore psychologique, le regret, c'est psychologique. Dans ce solstice, tiens donc, il y en a qui en profitent. Ben, on est encore à partager la planète avec des espèces de gens qui sont très, très cycliques. Ils sont cyclés, on peut dire, dans le sens que, bon, ben, il y a de l'animalité psychologique. Puis, mais oui, là, comme là, regardez la bourse, ça descend, hein? Il y a beaucoup de choses qui descendent. Il y en a ceux qui ont les moyens, là, ils rachètent. Pourtant, ça ne remonte pas tant que ça, mais ça continue. À, pourquoi? Parce que ceux qui savent sont moins nombreux que ceux qui savent pas. C'est les lois luciférienne de la planète. Puis, même moi, que ce que je sais, j'ose pas m'en servir parce que Je dois être un niaiseux. La souffrance vibratoire, moi, je vois ça comme le ressenti d'être dans un mensonge. Moi, ben, c'est pas juste ça, là. Parce que je pourrais même pas le dire comme ça. Parce que les ressentis, moi, ok, je pense que je commence à voir ce que vous voulez dire. Ben, l'inconfort, il y a de la transmutation, puis il y a de l'intégration, hein. L'inconfort vibratoire, comme la souffrance psychologique dans un mode psychologique, c'est ce qui sert soit à bloquer, soit à faire évoluer, entre guillemets, évoluer les gens, maturer, si vous voulez. À un autre niveau, là, c'est le vibratoire, mais ça reste encore de l'intégration. C'est juste que c'est plus psychologique. Donc, l'inconfort, il y a une transmutation tout le temps. De toute façon, c'est lié à l'âme, dans le sens que le psychologique, comme la souffrance psychologique, ça va être ce qu'on appelle la souffrance de l'âme. Comme par exemple les gens qui se ressassent des choses, et puis bon, ou qui ne se sentent pas aimés, là, on peut parler d'un certain ressenti, parce que des fois c'est vrai. Mais la souffrance vibratoire, là, on est ailleurs, là. C'est un petit peu, il y a d'autres choses que l'âme d'impliquer. Même si tout est tout le temps impliqué tout en même temps, c'est au niveau de l'intégration, au niveau de la conscience de soi-même, puis de ses structures, c'est pas pareil. Je n'ai pas d'enfant, je suis inquiète aussi, souvent la nuit. Je rassure des enfants qui ont peur. On voulait dire de quelle façon, là. Parce que passez-vous la nuit dans un dortoir d'orphelinat? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Des entrevues de prévues où tu serais direct. Non. En ce moment, il y a des gens qui vivent toutes sortes de choses. Puis, peut-être après les fêtes. Peut-être M. Poirier, Sergio Poirier. Je lui ai écrit aujourd'hui. Je lui avais écrit hier. Il m'a répondu. J'ai vu qu'il m'avait répondu ce matin. Donc, je lui ai réécrit, puis on parlait de ça, là, possiblement après les fêtes. Mais bien franchement, je ne sais pas moi ce que je vais faire. Je ne sais jamais. Puis là, ça a été très difficile pour moi, ça a l'air ridicule, mais l'affaire d'envoyer ce chat-là en prison, si je peux le dire, parce que je ne l'ai pas fait inconsciemment, là, je sais comment c'est dans mon coin. Cette organisation-là. Puis aussi, je sais très bien que ce chat-là m'a choisi, puis je l'ai trahi, puis je l'ai fait consciemment. Parce que j'ai pas les moyens. J'ai une propriétaire qui est très particulière. Puis elle, puis moi-même, je serais pas capable de lui cacher, parce que c'est pas dans ma nature. Donc, il fallait que je fasse un choix. Ah, oh, un rêve. Oui. Mais vous savez, ça peut être un aspect de vous qui vous console. Il y a une affaire à un moment donné que Charles Sabourin avait dit, puis malgré ce qu'on pourra en dire, c'était très, très intelligent. Parce qu'il y en a qui parlaient, vous savez, là, à un moment donné, il y a eu une mode au niveau de Jung, les gens parlaient beaucoup de l'enfant intérieur. Puis Charles Sabourin l'avait dit, l'enfant intérieur, il faut lui tordre le cou. Puis, ça peut paraître dur, mais c'est très intelligent ce qu'il voulait dire. Je comprends derrière. Oui, j'avais pas le choix, Omega. Non, il est OK, le propriétaire, c'est parce qu'elle a vu 75 $ par mois. Par mois pour un chat. 75 $ par mois. J'ai pas les moyens, là. Dans le sens que moi, mais. Il n'est pas question que je paye un millionnaire 75 $ par mois. Ce n'est pas de ma faute, c'est faux. Hein? Puis à ce prix-là, admettons que je décide, OK, je vais lui payer son 60. Je vais me priver, là, encore moi déjà que je n'ai pas de loisirs puis qu'il se prive déjà, je vais me priver là, pour lui donner son 75 $ par mois. Là. Par après, là, moi, j'aurai plus les mêmes rapports avec elle, c'est-à-dire que je vais lui dire que je la considère comme une folle. Je vais être plus franc, je vais être beaucoup moins gentil, beaucoup moins gentille. Je vais lui dire que je la considère comme une crise de folle en mon sens à moi, que c'est une astide profiteuse de cette crise de vidange. En tout cas, il faut que je fasse attention. Hein. Je suis reconnaissable. Hein. J'ai une face. Un chat doit payer son loyer. Ben oui. La folle, mais elle n'a pas le droit de demander ça. Oui, elle a le droit au niveau des règlements de la régie du logement, si c'est entendu dès le début, puis que c'est par écrit dans le bail. En signant le bail, moi j'ai accepté ça. Bonjour. Gilly. Gilly, Gilly. Je ne sais pas comment vous prononcez ça. Gilly B. Cette déconfrontation violente me serait nécessaire. Et oui, il fallait que je choisisse quelque chose. Soit je donnais 75 $ par mois à cette femme-là, qui est extrêmement, si on peut dire, chanceuse dans sa vie, mais ça, c'est en grosse parenthèse. Parce qu'on peut dire, c'est comme si elle a eu de la chance, d'une certaine façon, mais bon. Puis, au soit. Le chat serait peut-être adopté à la SPCA, le propriétaire répond. Oui. Je l'espère, je le souhaite. J'ai essayé de lui trouver un foyer moi-même. Des gens que j'avais confiance, j'ai fait le tour. Puis bon. Puis oui, je m'en veux. Mais j'aurais, même si je m'en. Peu importe, j'avais pas le choix de. Bonjour, Lionel. Je ne veux pas payer 75 $ par mois pour le chat, ça n'a pas de sens. En plus, c'est comme si je validais, à mes yeux, c'est comme si je disais à cette femme-là, vous avez raison, puis c'est tout à fait normal, puis il n'en est pas question. Puis ben, si j'avais payé 75 $ par mois, me connaissant, après, je me serais donné des droits que je ne me donne pas par rapport à elle. Premièrement, j'aurais cessé de la vouvoyer. Je serais devenu extrêmement sec avec, puis j'ai enlevé tout filtre, disant ce que je pense à chaque fois directement, sans réfléchir. Puis ça fait toujours très mal quand j'agis comme ça avec quelqu'un. Donc, j'aurais fini par plus m'entendre avec elle. Mais vraiment pas, là. Donc, c'est une initiation. Bof. J'ai connu pire, là. Ensemble, tu as vu les lignes. Conséquences derrière, ben oui, je savais. C'est pour ça que je vous dis, je ne l'ai pas fait inconsciemment. Je ne l'ai pas fait sans. Je l'assume parce que je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait inconsciemment, là. Pas toujours simple, la plus intelligente pour toi, peut-être aussi pour le chat. Moi. Vous savez, c'est là que je suis en colère contre les forces parce que j'ai déjà eu une maison, j'ai déjà moi-même été propriétaire. Puis j'ai toujours trouvé. J'ai essayé une grande partie de ma vie d'avoir une maison. Pour avoir la paix. Puis je n'ai pas la paix. Depuis que j'ai perdu ma maison, que je me suis séparé, puis que j'ai vendu ma maison à perte. Parce que ça. En plus, il a fallu que ça tombe dans un moment où Pauline Marois avait sorti certaines lois, puis le marché dans mon coin. J'ai jamais eu la paix. J'ai plus jamais eu la paix. La tu sais, se sentir chez soi, je l'ai plus jamais eu. Donc, si tu as un enfant qui s'ajouterait, elle demanderait plus, ben non. Non, là, elle pourrait pas, là, ce serait illégal. Mais pour un chat, c'est légal. Pour un animal de compagnie, c'est légal. Mais pour un enfant, non, là. Ben non. C'est une personne, vous savez, j'ai souvent dit que j'étais pingre, mais elle est pire que moi. J'ai eu le témoignage d'une dame qui était sa locataire, qu'à un moment donné, elle a dû s'absenter pour aller faire de la chimiothérapie à cause d'un cancer. Puis elle lui a demandé si elle pouvait prendre un peu de retard pour le loyer, puis parce qu'il y avait des contretemps qui faisaient que elle pouvait pas, elle pourrait pas, elle allait pas. Ben, c'est une dame qui n'avait pas de famille en plus, puis elle ne pourrait pas pendant un moment payer son loyer. Eh bien, elle l'a poursuivi devant la régie du logement. Cette dame-là qui a repayé son loyer, là, pareil, par après, là, mais qui se battait contre un cancer, qui allait faire de la chimiothérapie pour deux misérables mois. qu'elle avait essayé de s'entendre avec par rapport à ça, ben, elle l'a poursuivi dans la. On parle là d'une. C'est. Moi, je suis pas ingrat, mais elle, c'est une crise de folle, là. C'est un asti de folle, là. Une crise de malade, tant qu'à moi, là. Puis, elle a cette réputation-là ici. Mais elle possède, vous savez, elle a fait fortune en partie dans l'immobilier avec, si on peut dire, entre guillemets, un peu, ce qu'on pourrait dire, l'argent de son mari. Parce que, en plus, c'est au nom de son mari. En tout cas, oui, peut-être, j'en ai peut-être perdu. Oui, on peut être en colère contre les forces, mais en ce moment, ben, ouais, on verra. Ben, moi, j'ai vu des injustices dans ma vie, j'ai aucune confiance aux forces, j'ai vu des horreurs, là, si vous savez. Je te comprends, j'entends mes voisins. Bon, ben, moi aussi, mais là, bon, à un moment donné, il faut prendre son souhait, là. Je ne suis pas quelqu'un de plaignard, là, pour les voisins, là. Moi, il faut vraiment quasiment que j'entende du monde en train de mourir pour que je me plaigne. On est moins libre avec une maison, je trouve pas. Moi, le temps où j'ai eu ma maison, là, non, je considère que non. Puis en plus, j'aime ça. J'aime ça, moi, faire des travaux. Puis parfois, on se demande c'est quoi qui nous a à apprendre. Ben, à intégrer, vous le dire. Là, on est. Moi, en tout cas, je me situe plus dans. Salutations, je me doutais de vous trouver. Ah bon. Ben, salutations à vous aussi. Mais moi, vous savez, je regarde pas sous ces affaires-là. Il y en a un, à un moment donné, qui me lâche pas, là, il m'écrivait sur des histoires de quartier de lune, puis même juste le calice, ça va faire, là, tout c'était obsédé par l'astralité, ben, psychomagnétique engendrée par la lune, t'as pas amené ma fâcher avec ça. J'entends tellement mes voisins que j'ai l'impression qu'ils vivent avec moi, c'est souvent insupportant, même s'ils sont des gens tranquilles. Alors, je peux pas dire que j'ai des voisins très tranquilles, mais au moins, bon. J'ai connu P. J'ai vécu dans une des villes les plus criminalisées de la province, puis dans un des blocs appartements les pires de la ville. La police était là plusieurs fois par jour. Puis j'ai vécu des années là. Mes premières vidéos, je les ai faites là. Puis il y a eu tout eu dans ce bloc-là. La porte du couloir pour aller vers mon appartement, il y avait une vitre blindée, vous savez, avec des fils de fer dedans, bien, il y avait des trous de balles dedans. En tout cas, je vous explique, je vous compterai pas ça, là. Il y en a qui sont là dans nos vies juste pour nous faire chier. Ben oui, c'est ça. Mais là, incroyable manque d'humanité. Ben, j'irai pas jusqu'à dire ça parce qu'il faut aussi comprendre que de son point de vue. En tout cas, je vous compterai pas son histoire non plus là, à la dame. Là. Moi non plus, je n'y crois pas. C'était juste une sortie. Bon. Vincent Trajet. Ah bon. Confirmé par l'expérience. Bon, en tout cas, mais les fois où j'ai le bloc que je vous parle, les fois où j'ai dû appeler la police, mais moi, je savais, je suis pas quelqu'un de craintif. Même dans cette ville-là hyper criminalisée, des fois, je m'endormais pas la nuit, puis j'allais me promener à 3 h du matin dans les ruelles. Puis, étrangement, c'est les gens que je croisais qui semblaient avoir. Mais là. Dans ce bloc-là, c'est arrivé que j'ai appelé la police une fois pour un portefeuille que j'avais trouvé d'un policier, justement, qui appartenait à un policier. Puis dedans, il y avait une carte que c'était un expert en explosifs de la Sûreté du Québec, imaginez. Donc, j'ai appelé la police pour qu'ils viennent chercher le portefeuille. Ben, les policiers, là, quand j'allais regarder dans l'œil magique, là, ils se tenaient tout le temps en biais au cas où il y a des coups de feu à travers la porte. C'est vous dire la réputation du bloc où j'étais. Puis ben franchement, si j'avais été mal intentionné, j'aurais mis l'arme en biais. Voyons, les chevrotines se seraient rendues. Hein? C'est donc bien ridicule. En plus, je n'ai pas d'arme, là. Mais en plus, vous savez, j'ai même pas de. J'ai aucun dossier criminel. J'ai même jamais eu une contravention de toute ma vie. J'ai même jamais été interpellé. D'aucune façon, là. Les policiers ne disent même pas bonjour. Ben non, mais j'étais dans un endroit tellement criminalisé, là, c'était à peine croyable. Il n'y avait rien que des problèmes autour. J'ai passé des années là. C'est comme si je me sentais comme l'œil au milieu d'une tornade d'expérimental qui vibrait bas, là. Mais tellement bas. Il n'y avait rien que des fous autour de moi, puis des gens qui avaient des problèmes ou qui étaient des criminels violents, là. Puis j'ai jamais eu peur de personne. Même quand je leur parlais, là, puis j'étais en crise, puis j'ai regardé, là, ça va faire, là, c'était pourtant, je suis tout petit. Je comprends même pas comment j'ai fait pour vivre là. Mais ça, c'est. J'avais eu tellement. Quand après que je me suis séparé, j'ai perdu ma maison. Puis j'ai même vécu, avant de vivre dans ce bloc-là, j'ai vécu dans une cave. C'était pas un sous-sol, c'était une cave avec des cloportes. Il y avait tellement de cloportes, vous croiriez pas ça. Ça n'a aucun sens. C'est à ce moment-là que je me suis mis à étudier les cloportes et que j'ai appris qu'il s'agissait de crustacés qui se nourrissaient de moisissures. Dans cet endroit-là où j'ai vécu, l'air était tellement vicié par la moisissure que je dormais avec mes couvertures, ma literie sur la tête pour filtrer l'air. En tout cas, aujourd'hui, je trouve ça drôle, mais bon. Tu as un jardin des poules? Ben non, les poules ici, ils ne vivraient pas longtemps. Là. En ce moment, il fait plus de moins 20 dehors. Et j'ai pas le droit, là, je suis en ville. Je suis pas zoné agricole, moi, là. Moi non plus, j'ai bon. Confirmé, oui. Un peu de joie dans sa monde de brut. Buvons un petit verre de quelque chose. Vous savez, moi, j'essaie ça de boire. Il y a à peu près, quoi, 4 mois. J'étais un grand amateur de spiritueux. Puis maintenant, ça ne me dit plus rien. Peut-être qu'un jour, si je suis en moyenne, je me ferai plaisir de temps en temps, mais vous savez, juste pour garder les bouteilles et les laisser vieillir. J'ai vraiment du mal avec lui. C'est peut-être moi. Ah bon. Ah, vous parlez d'alchimiste? Vous le verrez plus. Non, je me suis tanné. Il m'avait écrit des commentaires en dessous du dernier live, puis je l'ai pas viré, comme certains disent, parce que j'ai pas fait ça, je considère pas que j'ai fait ça avec mes prix. Parce que je lui ai écrit en privé, puis il y a encore mon courriel. Donc. Au centre d'une soupe astrale, moi. Je me suis acheté un tambour chamanique pour dégueuler avec mes veilles sous-saintes. Moi. Il n'y a pas une sorte de régression, là, les objets chamaniques. C'est l'enfance de l'humanité, vous savez, le chamanisme. C'est pas des objets que. Au moins, vous cultivez votre jardin, secret. Bof, pas tant que ça. Vous savez, des fois, là, même quand je parle en live, je suis tellement transparent que je me dis que ceux-là que je vois, je suis pas normal. Hein? La plupart des gens seraient plus secrets que ça. Comme ma propriétaire, ça tombe là-dessus. S'il y a des gens, ben il y a des gens qui me reconnaissent ici. Je le sais, je le sens. Ils me voient sur la rue et ils me reconnaissent des vidéos. Mais il n'y en a jamais un qui a osé m'aborder. Vous savez quoi? Parce que j'ai très, très, très mauvaise réputation dans la petite ville où j'habite. Les gens savent que j'ai mauvais caractère. Puis que je suis imprévisible. Puis, bon. Je ne suis pas censé savoir que. Je vis pas à la campagne, je sais bien. Mais non, mais vous me voyez avec des poules. Hey, pensez-vous que je suis capable de ramasser une poule, moi, là, et de l'égorger? C'est le genre de choses que je préfère à d'autres. Mais ça me dit que je serais capable, mais vous savez, je me sens pas vraiment fermier. Vous savez, l'arrière-grand-père. Le père du père de ma mère était une sorte de gentleman farmer. C'était un monsieur très en moyen qui vivait dans le bas du fleuve, dans le coin de Charlevoix. Puis son fils, il avait mon grand-père, le père de ma mère, il avait des problèmes avec son père, il s'entendait pas bien. Puis il a décidé de refuser l'héritage, puis d'aller vivre dans une terre de colonisation, puis de devenir lui un cultivateur quelque part. Au lieu d'être quelqu'un qui disait quoi faire des cultivateurs. Ce qui fait que le père de ma mère, quelqu'un de très pauvre, qui a élevé ses enfants dans une maison en bois rond, là, quasiment, là, que l'eau était gelée dans l'évier le matin. Du côté de mon père, le père de la mère de mon père était aussi un homme très riche, un bourgeois qui possédait des grandes écuries à Montréal et qui louait des chevaux. Et ma grand-mère, elle ne s'est pas entendue tout le temps bien avec son père. Puis finalement, elle a marié un peintre en bâtiment, puis elle est allée vivre pauvrement dans le faubourg Ramelas, à Montréal. Donc, j'ai des ancêtres bourgeois, mais au niveau de la génération qui est venue après, celle de mes grands-parents des deux côtés, il y a eu un choix d'aller dans l'expérimental de la pauvreté. Ce qui fait que j'ai. Bon, là, j'en perds, là. Mais vous savez, moi, j'ai pas envie d'être infirmier. D'aucune façon. Un sport, ok. Chamanisme, les poules supportent moins 15. Ah oui, moi, ça leur prend quand même un petit abri, hein. Au moins pour le vent, là. Je viens d'avoir le COVID, ce qui a été le plus dur et angoissant, c'était de perdre le goût et l'odorat. Ah. Vous êtes pas mort? Ça va revenir. Je suis persuadé que ça va revenir. Mais là, ça, c'est. Ah, tu as un bon sens de la mort sans le savoir. Ben oui, je le sais. Même j'ai l'impression d'être un clown. Nous avons trois poules pour les œufs, je pourrais pas les tuer. Ben, de toute façon, vous savez, de la vieille pondeuse, c'est un peu raide. Je pense que c'est ça qui finit hein, dans certains restaurants de fast-food, des vieilles pondeuses puis des vieilles vaches laitières. L'homme nouveau est-il amené à ne plus avoir ses sens moindres? Ben, on est gouverné hein, par nos sens et par nos sens, entre autres. Mais vous savez, le côté, l'être humain, il est un peu polarisé dans ses sens. C'est pour ça que ça fonctionne si bien le renforcement positif-négatif, comme dans le temps, les châtiments corporels et les récompenses. Il va falloir sortir de ça un jour. Je suis sacré, c'est ma programmation. C'est pour ça que j'aime écouter des gens comme toi. Bon, ben, j'espère que, dans le fond, que je vous divertis. T'es un vrai cahier de la parole tranchante, moi peut-être. C'est pour ça que je tolère mal les paraboles puis les métaphores. Ou ce que certains ont appelé le langage des oiseaux. J'aime la clarté. Le langage devrait aller tout le jour vers la clarté. Puis pourtant. Donc. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression que c'est intéressant que ça. Mais tout ça pour vous dire. Que j'ai des ancêtres qui étaient bourgeois, qui étaient des gens assez sophistiqués. Mais que y a les enfants, mes grands-parents, des deux côtés, les enfants de ces gens-là, pour des raisons de conflit avec leurs parents, puis de révolte, si vous voulez, se sont mis dans la pauvreté. Et ça, j'ai bien de la misère avec ça. J'ai bien de la misère. J'en veux. J'en veux jusqu'à un certain point. Ça me met en colère. Ça me met en colère. Vous savez, il y a même une tante de mon père à Montréal que la famille lui parlait pas, une grande tante en fait, de mon père, que la famille lui parlait pas. Pourquoi? Parce que cette femme-là était associée au monde interlope. Elle habitait une grande villa victorienne qui est encore au souvenir de mon père quand il était enfant, qui est encore éclairée au gaz et qui était une sorte de maison close. Puis mon père l'a vu une fois, cette femme-là, parce qu'un de ses cousins qui l'avait amenée voir sa grande-tante, que mon père ne connaissait pas, dans cette grande maison-là, qui était éclairée au gaz, qui était au fond, elle, c'était une tenancière, dans le fond, d'un bordel, au fond, que c'était des gens d'une certaine importance qui allaient là. Puis j'ai toujours pensé que Victor Lévy-Beaulieu, c'était, je ne connais pas le nom de cette grande-tante-là de mon père, mais j'ai toujours pensé que Madame Félix Brisebois dans Montréal PQ, Victor Lévy-Beaulieu, s'était inspiré de faits réels, puis que c'est en fait la grande-tante de mon père. Puis que, au fond, c'est un, parce que c'est un, il faut qu'il se soit inspiré quelque part de gens qui ont existé. Puis, j'ai toujours été. Quand mon père m'a décrit, il est allé la voir une fois. Puis un cousin qui l'avait amené là, d'ailleurs, mon père après a plus le droit de côtoyer son cousin parce que ma grand-mère, la mère de mon père, était tellement en colère que mon père soit allé là. Puis j'ai tout le temps pensé que c'était cette femme-là qui avait inspiré Madame Félix Brisebois, là, comme au délit dans Montréal PQ. Que Victor Lévy-Beaulieu s'est inspiré de la grande-tante de mon père pour créer sa Madame Félix. C'est spécial, hein? On vit vraiment dans un monde ridicule. En tout cas, j'ai vu que des gens qui se voient comme des héros vont aller en Amérique du Sud pour l'axe des tribus isolées. Ben oui. Ben, il n'y a rien de trop beau pour l'eugénisme, puis il y a plein d'idiots utiles. Ben oui, c'est comme il y en a un à un moment donné qui disait, c'est épouvantable, il y a encore des gens dans des tribus perdues en forêt qui n'ont pas de numéro d'assurance sociale, puis que bla bla bla, qui sont pas connus du système, c'est inacceptable. Au niveau des droits de l'homme, il faut que ces gens-là aient les mêmes droits que tout le monde. On est dans de l'humanisme anti-homme, là. Anti-humain, si vous voulez. Non, c'est correct, pourquoi pas. Le pire, c'est que c'est vu qu'ils sont isolés, il faut pas qu'il y ait de contact. On les met en danger au niveau de leur système immunitaire à eux. Voyons, là. Laissons-les faire leur patente, des tribus. Pourquoi la tribu des Sentinelles au large de l'Inde, il n'y a personne qui va les achaler, mais là, on va aller vacciner des. Peut-être parce qu'ils sont pas assez agressifs. C'est trop du bon monde. Souvent, ils vont être très gentils. C'est des gens naïfs, hein, vous savez, ceux qu'on appelle entre guillemets des primitifs. Parce qu'à mes yeux, les primitifs sont souvent en habit cravate. Bonsoir, comment tu que tu étais entré dans le supramental? En lisant La Genèse du réel de Bernard de Montréal que j'avais jamais lu. Vous savez, c'est une affaire de famille chez moi. Dans le sens que la mère de mon père et mon père étaient un peu là-dedans. Puis moi, j'avais tout le temps regardé ça avec dédain. Mais j'avais trempé dans cette vibration-là sans le savoir. Puis après, la mère de mon père est morte. Elle m'a légué La Genèse du réel. Je l'ai jeté aux poubelles. Après, mon père est mort, il m'a légué sa Genèse du réel à lui, puis je l'ai gardé. Puis plus tard, j'ai eu une conjointe qui m'a dit, tu devrais le lire. Parce que je lui expliquais que la famille du côté de mon père avait été dans une secte, que ma grand-mère avait perdu de l'argent en Haïti à cause de ça. Puis à un moment donné, je suis allé sur YouTube pour lui montrer c'était qui Bernard de Montréal. Puis je suis tombé sur la vidéo, le premier mystère cosmique. Puis là, j'ai écouté. Puis là, Bernard, il dit, si l'être humain, si l'homme était réel, il n'y aurait pas des questions, il y aurait des réponses. Pourquoi est-ce qu'il y a des mystères? Pourquoi est-ce que l'homme se pose des questions? Parce que lui-même n'est pas réel. Puis j'écoutais ça, puis j'ai commencé à me rendre compte que Bernard, c'était pas ce que je pensais, c'était pas l'opinion que j'en avais étant plus jeune. Puis en lisant la Genèse, j'ai eu des phénomènes physiologiques après. Puis j'ai vécu toutes sortes de phénomènes. Puis aussi, ça parlait de choses. Je comprenais des choses que j'avais vécues dans mon passé, dans mon enfance. Des choses que je savais. Pour la première fois, il y a quelqu'un qui en parlait, qui l'avait verbalisé et puis écrit. C'est comme ça que j'ai su que j'avais vécu des phénomènes liés à ça. Mais ça a été un gros choc, là. Pour moi, Bernard de Montréal, c'était de l'hostie de marde. Je l'haïssais, ce gars-là. Je l'haïssais. À mes yeux, c'était un fraudeur, un gourou, une secte. Puis vous savez quoi? Je pense encore un peu ça, là, quand je regarde les restants. Puis même certaines affaires que Bernard a faites. Roche sauvage, Zénor. Toutes ces choses-là. Parce qu'après, j'ai côtoyé des gens qui ont été séminaristes, ou qui l'ont connu, ou qui ont été dans des. Puis bon, vous savez, c'est pas pour rien que moi, je fais rien, puis je suis pas dans aucun groupe. Mais de toute façon, j'ai tout le temps. J'avais une opinion déjà. Je suis pas sur les réseaux sociaux, puis je ne serai jamais dessus. Je ne veux rien savoir. Donc. Mais pour moi, Bernard, ben, c'était de la marbre. Puis le supramental, c'était des niaiseries. Okay, imaginez, là. Ouh là là, vous écoutez. Avec en m'occupant des enfants, ça donne des résultats surprenants. On passe de l'épopée familiale dans la paupérisation à une imitation de Bernard. Ben, une imitation. Bernard, je n'ai jamais voulu. Vous savez, même Marc de la Salle, il y a des gens qui ont dit qu'ils essayaient d'imiter Bernard. Oui, je connais M. Pinard. Mais plus un voyant, lui. Ben, en tout cas, il aime bien gros, lui, les autos de course. En tout cas, je viens de Charlevoix. T'es peut-être un petit cousin de loin. Peut-être. C'est bien possible. Vous savez, c'est petit, hein, le Québec. Puis, comme le fait remarquer d'une façon que j'ai trouvé extraordinairement insultante, comment que ça s'appelle, là? l'Haïtien qui ont rentré dans l'Académie française, là, qui écrit des livres au nom douteux, là, puis qui se pense bien. Comment il s'appelle lui? En tout cas, il est allé nous traiter de consanguins en France. C'est grâce au Québec qu'il a fini par se faire un nom. C'est ici qu'il a été publié en premier, puis après, il s'en va en France. Une fois qu'il a été nommé à l'Académie, il nous traite de consanguins. En plus, moi, je connais bien mon lignage. À une certaine époque, je suis remonté jusque même en Bretagne, en Normandie, pour mes ancêtres. Et je sais qu'il n'y en a pas au gars. Moi, j'en ai pas de consanguinité. Puis, c'est pas vrai que les Québécois, c'est tous des consanguins. Puis lui, ce style-là, il ferait mieux de fermer sa gueule s'il veut pas se faire remettre à sa place, s'il veut pouvoir revenir au Québec à un moment donné. Parce que les Québécois, c'est du monde émotif. Donc, ils sont rancuniers. J'ai trouvé ça tellement méprisant. J'ai trouvé ça même à la limite, Christ, ce gars-là, c'est là où on voit vraiment un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui se pense intelligent. En tout cas, Danny Laferrière, qui n'est pas son vrai nom d'ailleurs, c'est un nom de plume. Il est allé nous traiter de consanguins à une émission de télévision en France. Pour qui il se prend? L'autre bord de la Manche, il y en a bien plus de consanguinité, là. Puis de Galles et compagnie, des dents croches, il y en a en masse par là. Hey, c'est pas vrai, ça, qu'il y a du monde, qu'on les a faites quelque part, on les a donné une chance, puis c'est un peu grâce au contexte canadien-français qu'ils ont pu se faire un nom, parce qu'on les Haïti puis Québec, c'est deux solitudes francophones en Amérique. Donc, ils se font un nom, puis tout, puis après ça, ils s'en vont se faire rentrer à la Québec. En plus, c'est une façon d'insulter le Québec. C'est quelqu'un d'origine haïtienne, le premier Québécois à entrer à l'Académie. De toute façon, c'est un honneur d'aller dans l'Académie de Finkielkraut. C'est rendu quoi? C'est rendu n'importe quoi, là. On n'est plus à l'époque quand Richelieu a fondé ça. Donc, Danny Laferrière, c'est ça. Ah oui. Pas de crainte de critique? Non. Pourquoi? Parce que je suis pas un gourou. Pourquoi? Parce que les gens qui voudraient là, créer des noyaux autour de moi, je les rejette puis je suis méchant avec. Tellement je veux rien savoir. Je suis quelqu'un qui veut avoir la paix, qui aime avoir la paix. J'en veux pas de monde autour. Je n'ai rien d'un gourou, je n'ai pas le profil psychologique pour ça. Même au contraire. C'est pour ça, j'ose pas dire, par exemple, je serais sur YouTube comme un influenceur. Pourquoi? Parce que ça fait 5 ans que je fais juste parler contre les influences. Puis que je fais tout pour que le monde ne s'attache pas trop. Pas peur de créer une secte. Je peux pas créer de secte, là. Je vais être le premier à mettre la hache dedans. Ça me fait penser, voyons, l'autre en Inde, là. Il avait été ramassé par la gang d'Annie Besant et compagnie. Puis il dit, oh, ça va être l'instructeur du monde. Puis il les a tout envoyé chier. Ça, c'est correct, Krishnamurti. Il a tout sacré ça là à terre. Non, non. Vous avez rien compris si vous pensez que moi je Donc, clairement, un gourou coule du miel dans les oreilles de ses victimes, c'est ça. Puis moi, ben, c'est du fiel, je pense. Dans le sens que je suis pas là pour. De toute façon, un vrai gourou, là, il va alterner. Parce que c'est une mécanique, hein. D'idéologiser quelqu'un puis fanatiser quelqu'un, c'est des techniques. Puis ils vont altérer au niveau d'une polarité. Une journée, ils sont gentils, l'autre journée, ils sont méchants avec leurs adeptes. Puis comme ça, ils opèrent une perte de repère. Mais non, je peux pas avoir de secte parce que je veux pas personne. Je veux avoir la paix. Puis, moi, pour moi, là, c'est pas important d'avoir du pouvoir à l'extérieur, c'est important d'avoir du pouvoir à l'intérieur. Pour moi, toutes les projections au niveau des autres, je veux que les autres fassent leurs affaires. Le supramental, ça devrait tout le temps que les gens aient leur propre contact et qu'ils soient autonomes. Il faut qu'ils soient autonomes. Donc, je peux pas fonder une secte. Comment voulez-vous que je fasse ça? J'entrerai en contradiction avec moi-même. Puis je vais nuire à ma propre intégration, je vais nuire à ma propre affaire si je fais ça. Puis, Étais-tu médium à la base? Non. Je dis pas que j'avais pas certaines capacités, mais médium, c'est un métier, hein? Non. Je me demande comment les médiums qui évoluent dans le supramental font pour distinguer la source de leur information. Mais Pinard, c'est pas un médium, c'est un voyant. C'est pas pareil, la voyance puis la médiumnité, là. Bon, en tout cas, nos vrais gourous sont les enfants qui parlent. Oui. Jusqu'à un certain point. Vous avez ce côté abrupt qui est agréable. Vous ne donnez pas l'impression de venir vendre des conneries. Ben, je suis pas là pour. Qu'est-ce que vous voulez que je vende? Même si j'ai jamais fait de consultation, c'est parce que je me sentirais pas bien là-dedans, parce que j'aurais une espèce de syndrome de l'imposteur. Je me sentirais comme un imposteur. J'ai pas envie, moi, de fourrer le monde. Leur faire payer pour quelque chose que moi-même, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de rien, là. J'ai jamais été dans l'assertion totale. Je suis quelqu'un qui est pas. Je vais pas me mettre à penser, à me penser intelligent. C'est drôle là qu'il y a un problème. Puis là, on mène les autres en bateau par notre propre bateau parce qu'on se mène en bateau. Les gens qui se prennent au sérieux puis qui se pensent assez fins pour faire de la consultation, souvent, c'est parce que justement, ils sont dans le champ. C'est pour ça que moi, je peux pas faire payer le monde pour rien. Je peux même pas mettre. J'oserais même pas mettre des petites pubs, là. Je peux pas faire ça. Ça irait contre mes principes, puis c'est au niveau d'un conflit que j'aurais envers moi-même, puis ma propre objectivité. Je peux pas faire payer le monde, voyons donc. Je peux pas non plus donner de consultation. Puis vous savez, peut-être que si j'avais été malhonnête, ben je l'aurais eu les moyens du chou pour le chat. C'est pour ça, des fois, je suis en colère. Je suis en colère, je me dis, toute ma vie, je vais avoir subi des espèces de tests, puis des espèces de mises en initiation pour que j'aille tout le temps le strict nécessaire, puis que je sois tout le temps moi-même sur un fil. Comme là, je suis proche aidant, puis parce que j'ai décidé ça, j'ai choisi ça. J'ai pas fait vraiment d'études. Oui, j'ai fait des études, mais dans un domaine que j'aurais jamais. Je vais tout le temps être surqualifié dans la région où j'ai choisi de vivre. Je suis dans une situation, ah, vraiment, là, mais j'ai tout le temps, là, ce qu'il me faut, là. Dans le sens que je suis tout le temps. Je suis pas à plaindre, mais. En tout cas. Puis là, je l'assume mon affaire dans le sens que je suis pas pour commencer à dire, ben là, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des mauvais choix, parce que je le sais que le libre arbitre n'existe pas au sens où on l'entend psychologiquement. Donc, je vais pas me mettre dans un live, ça parlait de deuxième fusion. Ouais, il y en a qui prétendent ça. Je ne sais pas combien il y en a, je peux vous dire qu'il y en a un qui prétend ça. Il y en a un dont j'ai entendu parler, lui prétend avoir vécu la deuxième fusion. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça drôle. Donc, à mes yeux, ça n'a pas rapport, là. C'est quelque chose qui ne se peut pas pour moi. Sinon, je ne trouverais pas ça drôle. J'en ai parlé justement pour dire, il y en a qui parlent de ça. Ah, moi, j'ai vécu la deuxième fusion. Comme genre, il est allé plus loin que Bernard, là. Lui, là. Et je ne dirais pas c'est qui. Parce que c'est pas la place. Pareil pour moi toujours. Si j'ai besoin, moi, j'ai jamais plus. Dès que je gagne de l'argent, il sert à de quoi pas longtemps après. Ah oui. Puis des fois, je me dis, c'est parce qu'on est des niaiseux. Vous savez, là, il y en a, là, ils chargent là, jusqu'à 130, 145 pièces pour une consultation. Puis ils payent, ils sûr que les impôts sont même pas au courant. Puis si les impôts se mettent là-dedans, ils vont dire, ah, c'est des dons. Vous savez, des dons, là, comme il y en a, là, des sonneurs d'alerte, là, qui reçoivent des dons, là, ils payent pas d'impôts là-dessus, c'est des dons. Et que je deviens mauvais, là. Surtout ceux, là, comme du monde. Bonjour, Mystère Guerrière. Comme du monde, là, comme un certain, là, qui avait dit, oh, ne faites rien par vous-même au début de tout ça. Nous, on va vous protéger. Puis là, il crée une fondation là, pour recevoir de l'argent. Puis là, tout le monde qui sont là-dedans 2 ans après, parce que ça ne marche pas, les histoires en cours. Mais moi, je le savais, je l'avais dit. Je l'avais dit, je dis, là, vous allez voir à quel point c'est corrompu. Mais là, ils sont là, nous autres, on n'est pas là pour sauver la province, on est des créateurs de contenu. Les impôts qui mangent la main, oui, Malou. Vous savez, en plus, vous savez, chaque fois que j'ai fait une scène puis que je devais une déclaration, je les ai tout le temps faites. J'ai une dame qui fait mes impôts très consciencieusement, puis qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas capable de. C'est certain que vous auriez les capacités, la compréhension, les mécanismes de monter quelque chose de lugubre. Ben oui. Ben oui, et même, je pourrais faire du trouble en crime, moi, là. Gérer les conséquences, les connaissances pour engendrer des conséquences extrêmement graves. J'ai une base en tout, en physique, en chimie. Je me suis intéressé à l'ingénierie de mon côté. J'ai des notions de tout, là. C'est pour ça, quand on est très, très général, là, on a des notions en tout, puis on peut après fusionner ça ensemble. Puis, heureusement que je suis pas méchant. Heureusement que je suis pas méchant ou mal intentionné. Bon, en tout cas. CP, parle-nous de. Oh, j'ai pas envie, vous savez. Parler de ça. Dans une vidéo, PTM parle de la souffrance et à l'initiation. As-tu connu la souffrance physique? Ben, vous savez, le vibratoire, à un moment donné, il y a de la souffrance physique. En plus, quand vous êtes malade, des fois, vous ne pouvez pas vous soigner parce que vous n'avez pas la vibration. Moi, j'ai des douleurs chroniques, notamment certaines que je ne soigne pas. Pourquoi? Parce que ça me sert à d'autres niveaux. Je n'ai pas la vibration de. Vous savez, j'ai des. Surtout ces temps-ci, j'ai des brûlements d'estomac 24 heures sur 24. Puis j'ai pas la vibration de rien faire. Je prends des tomes, puis je fais sur les tomes. Bonjour. ELF. Ou ELF, je sais pas comment. Puis non. J'ai eu pendant des années une luxation assez grave au cou, qui me créait des céphalées, là, c'était épouvantable. J'ai jamais eu la vibration d'aller voir un chiro parce qu'il y a quelque chose qui m'enlevait la vibration. Puis comme ça, j'étais averti de certaines choses. Dès que quelqu'un me faisait une certaine tension, j'avais la douleur qui montait, là, je savais que j'avais affaire à quelqu'un qui allait me créer possiblement des problèmes. Donc, j'ai eu des ulcères à 8 ans, ça fait très mal, oui. Moi aussi, j'en ai depuis à peu près cet âge-là. Là, mes premières douleurs d'estomac, c'est mieux de consulter. Ben oui, mais moi, je peux pas. C'est pas moi qui mène. C'est pas moi qui décide. C'est pas mon ego qui va dire là. C'est pas pour moi, en tout cas. Quand ça vient pour moi, là, d'où viendrait notre programmation? Comment peut-on la connaître? Ben, c'est les programmes, c'est le système, mais entre autres, notamment le circonstanciel mécanique. Comment connaître, s'il vous plaît? Ben, ça, c'est parce que là, vous allez développer une subjectivité de vos programmes si vous essayez de les comprendre psychologiquement. C'est complexe, là, ça. Mais ça va tout le temps vous amener là où vous avez à être. Puis peut-être des fois, c'est des places où vous ne voulez pas être là. Donc, de connaître votre programmation, vous allez vous plugger et vous plugger. Oui, puis vous bloquez psychologiquement d'une certaine façon. Connaître sa programmation, ça peut empêcher l'intégration parce que l'ego psychologique va vouloir éviter certaines choses par lesquelles il est programmé pour partir, puis c'est nécessaire. Faites confiance à votre esprit, dans le sens qu'il y a quelque chose en vous qui est réellement intelligent, qui va vous faire subir des choses. Pour votre intégration, pour que progressivement vous deveniez plus créatif puis plus en contrôle, vous, de votre vie. À ce moment-là, vous devenez de plus en plus votre propre programmateur. Puis ça devient. La programmation devient secondaire. Moi, je ne vois pas d'autre chemin. Donc, parce que là, si je me mets à d'où vient notre programmation, comment peut-on la connaître, ça devient dangereux, je trouve. Parce que ça peut engendrer de la subjectivité. Les impôts, c'est un sujet sensible. Les serveurs sont imposés pour pourboire, mais ils ne le sont jamais. Comment? Ben oui. Je trouve ça horrible. Notre gouvernement ne respecte pas la classe moyenne, il veut la détruire. C'est parce que ça fait partie d'un plan de la détruire. Donc, vous savez, moi, j'ai travaillé, entre autres, avec des gens qui faisaient le service sur le plancher, puis ils venaient me compter leur type en plein dans ma face, puis je travaillais 15 fois plus que d'autres, puis je venais en tabarnak. Ah, c'est que je venais en colère. Ils faisaient plus d'argent que moi, puis je travaillais plus que d'autres. Non, que ça me met. Moi, encore, j'y pense encore aujourd'hui, là. Pourquoi prend-on toujours pour acquis que quelqu'un a la responsabilité d'apprendre ce qu'il sait aux autres? Ben oui, mais ça fait partie ça, du côté social. On est des animaux sociaux. Puis comme l'être humain, ben, il est un petit peu coupé du côté télépathique qu'on voit chez certains animaux, c'est au niveau de la communication que l'information se transmet. C'est des lois animiques, c'est des lois d'âme. Partager, c'est déjà suffisant, soyons autonomes un peu. Mais oui, parce qu'au niveau de la vibration, juste en agissant vous-même, parce que vous vibrez par votre présence, ça influence autour. Pas besoin de se prendre pour un professeur. Moi, des nausées, mes sensors, c'est un avertissement. Bah, ouais, peut-être. Mais vous savez, ce matin, j'ai pas déjeuné parce que j'ai pas d'appétit. Parce que je suis encore un peu traumatisé d'avoir le chat. Là. Je peux pas vous dire que ça me fait pas de peine, au contraire. Là. Parce que je le sais, je le sens. Je le sens à distance, ça va pas, il a peur. Quand l'esprit te parle, est-ce que c'est une voix que tu entends? Non. Non, c'est la vibration de la pensée va être différente. Dans le sens, je vais le sentir. Puis je vois des fois, c'est des choses que mon ego est pas capable de concevoir, des choses comme ça. C'est comme une très, très forte intuition qui arrive d'un coup. C'est très. Ou bien, il va y avoir une mise en vibration qui fait que je parle. Ou ça va être comme quand vous vous parlez vous-même dans votre tête, mais c'est plus intelligent que d'habitude, c'est plus fort, puis c'est totalement inattendu. Il n'y a pas le processus habituel vous savez, le processus réflexif habituel, ça toc, toc, toc, toc, puis c'est impossible de prévoir d'avance ce que vous pensez vous-même. Il n'y a pas le processus mental ce qu'on appelle la mentation habituelle, si vous voulez. Puis, mais non, j'entends pas de voix. Les seules fois que j'ai entendu des voix, c'était par rapport à ce qu'on appelle le phénomène du double, puis c'était dans des états seconds un peu. Vous savez, là, comme quand vous êtes entre la veille et le sommeil, ça se peut des fois que vous entendiez une voix qui dit votre nom. Mais ça, c'est des mantismes, ce qu'on appelle des mais sonores, là, puisqu'il y a toutes sortes de formes de mantisme. On ne se connaît pas vraiment, mais je te considère comme un meilleur ami. J'espère que vous n'êtes pas seul à ce point-là. Dans le sens que moi, je suis juste un bonhomme qui parle sur YouTube. Faut pas que je prenne une trop grande importance. Parce que ça peut devenir malsain. Comprenez là, ce que je veux dire? Dans le sens que ça peut pas remplacer une vraie amitié. Dans le sens de dans votre vie, dans votre entourage. Il faut pas. Comme par exemple, Bernard, je le considérerais pas comme un ennemi quand je me suis mal écouté. Puis, c'est pareil pour les autres. C'est comme les premières fois où j'ai parlé là, en personne avec Sabourin, j'ai été tellement déçu. J'ai plusieurs meilleurs amis. Bon, tant mieux. Ben, tant mieux. Ça prend des amis d'espère. Si vous avez des brûlures situées dans le haut de l'estomac, ça vous fait comme un coup lorsque non. Non, non, non. Non, non, j'ai pas de malformation. De toute façon, par rapport à ça, j'accepte pas de conseils extérieurs liés à mon estomac. J'en parle pour des raisons d'expliquer que oui, j'ai des souffrances physiques liées au fait que ma psychologie est différente, c'est-à-dire que je ne peux pas agir comme je voudrais par rapport à ça, mais je refuse tout diagnostic extérieur, puis tout conseil lié à ça, puis même des fois en personne, je peux réagir bien agressivement. Genre quelqu'un qui voit que j'ai mal à l'estomac, parce qu'à un moment donné, les gens s'en rendent compte, parce que je mange des tonnes, comme d'autres mangent des peanuts, là. Puis des fois, le monde, ah, pour ça, là, des fois, là, je vais me choquer, dire, mêle toutes tes affaires, c'est pas de tes affaires. Puis le monde, ils viennent surpris, ils comprennent pas. Parce que c'est quelque chose qui me sert au niveau de mon ressenti par rapport à certaines choses liées à l'invisible que j'ai pas envie de parler de ça. Mais c'est comme un radar un peu. Que veut dire cette date miroir pour vous? Rien. Que vous voulez que ça puisse vouloir dire pour moi? Je l'ai écrit comme ça pour le live parce que je trouvais la forme intéressante. Mais ça, un effet apaisant parce que pas mal ajusté, peut-être. Je pourrais pas dire. C'est juste des pilules que j'ai prises une dernière fois. J'en parle. Moi, j'en prends pas de médicaments. À part des tomes, c'est pas des médicaments. C'est juste pour un effet chimique qui vient atténuer l'acidité parce qu'il y a du calcium là-dedans. Mais je le vois pas comme un médicament, là. Les douleurs proviennent de la détoxication. Mais de bord, je serais... Vous savez, j'ai déjà vomi de la bile noire. Il y a longtemps, là, mais je vais tout le temps m'en souvenir. Même juste l'odeur, là. Est-ce que des oppositions peuvent être menées pour empêcher un individu de prendre connaissance du supramental? Ben oui. Ben oui. C'était simplement de la sympathie. Ok, bon. Bon, c'est correct. Ouais, je le sais, mais c'est ça qui est choquant parce que les gens sont bien intentionnés, puis souvent, ils comprendront pas ma réaction. Comme il y a quelqu'un qui m'a envoyé, je pense que c'est par rapport à ça, de placer mon lit d'une certaine façon pour que, vous savez, là, puis, mais les gens ne se rendent pas compte. Là. Moi, je dors à terre depuis des années. Je dors par terre. Pourquoi? Parce que c'est ça la vibration que j'ai. Les gens s'y voyaient comment je vis. Ben, je vais vous le montrer, mon lit, là. Il est ici. Vous voyez, c'est un matelas par terre. Je vis là, à côté, là, sur des. Je vis à côté sur. Puis des fois, le jour, je prends mon matelas, puis je le sers, là, je le mets dans le garde-robe. Mais je vais à côté sur des vieilles filières de métal. Je dors par terre. Je peux pas mettre mon lit. Je peux pas changer l'angle de mon lit. Même la personne qui m'a envoyé ça, je lui ai réécrit. J'ai dit ça, là, laissez faire ça. Là. Arrêtez de me conseiller comment vivre. Là. Donc, est-ce que des oppositions peuvent être menées pour empêcher un individu de prendre connaissance de ce... Oui, ok, c'était ça, oui. Après, boule noire, bile noire. Vous êtes donc conique. Ah, je dors par vous, vous aussi, vous dormez par terre. Je t'ai envoyé un courriel, j'aimerais que tu m'aides si tu es capable. Oui, si, ben, vous savez, à date, tous les courriels que je les ai lus, j'ai répondu. Puis c'est juste parce que des fois, ça prend des semaines avant que je retourne sur cette boîte courriel-là. Myrtle, tu peux me tutoyer, s'il te plaît? Ben, je vous connais pas. Vous savez, moi, je vous vois même des enfants. Je les appelle monsieur et mademoiselle. J'ai été élevé comme ça, dans le sens que mes parents n'étaient pas aussi protocolaires que moi. Mais je trouve tellement la société dans laquelle nous vivons irrespectueuse et vulgaire que, bon, moi, quand je connais pas quelqu'un, je vais être porté à le vouvoyer. C'est dans ma nature d'agir comme ça. Donc, ah ben de rien, Madame Michaud. Bonjour, Carole. Ben oui, je vais être porté à vouvoyer les gens parce que j'ai une vibration de même. Comment je pourrais dire ça? Je suis pas capable. Dans le sens que il y a quelque chose de lié à la forme là-dedans qui est important. Même Kemp, à un moment donné, il avait dit qu'il aimait ça vivre dans une société où il y a le vouvoiement. Puis je dois avouer que moi aussi, pourquoi? Parce que ça peut créer une certaine distance. Puis c'est clair que ça, au niveau de la forme, ça a même des répercussions plus subtiles. Puis c'est une question, je peux vous tutoyer, oui, quand si je vais sentir une proximité naturelle, je vais être porté à vous voyez les gens. Parce que je suis comme ça. À mes yeux, c'est une question de... C'est drôle, hein? Vous savez, j'ai vraiment l'impression de vivre dans une société normale. Puis que c'est la façon que j'agis qui serait normale. Mais au fond, ça fait de moi une sorte de réactionnaire. C'est tellement comique et triste jusqu'à un certain point. Là, tu te dis, ouais, mais pour moi, une histoire de ne pas être important pour l'autre. Oh, peut-être. Et tu es choqué qu'on tutoie. Non, ça dépend à qui. Ça dépend à qui. Ça m'est arrivé dans des magasins là, que les gens qui travaillent dans le magasin me tutoient, puis j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que moi, si j'ai à chaque fois que j'ai travaillé avec le public, je vous voyais les clients. Puis je ne pouvais pas faire autrement. Puis ça me vient en colère. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est pas ajusté. C'est pas ajusté. Ça m'est arrivé de dire à une caissière, je vous ai pas donné la permission de me tutoyer. Puis elle me dit, ben là, t'es plus jeune que moi. Ça n'a pas de rapport. Chris, moi, je vous vois même des enfants parce que je les connais pas. Voyons donc. Je les connais pas. C'est peut-être les enfants du maire, puis je le sais pas, moi, donc c'est monsieur et mademoiselle. Mademoiselle, parce que c'est certain, une petite fille qui n'est pas mariée. Pas pour l'appeler madame, mais je vais la vous voyez, vous l'appelez mademoiselle quand même. Je dois être. Des fois, j'ai l'impression d'être une espèce de. Je dois avoir des mémoires de. Je sais que je suis parasito au niveau des formes. Je suis quelqu'un de formel. Protocole. Puis je souffre beaucoup de la société dans laquelle on vit. Et je souffre beaucoup de voir du monde de plein de tatoués avec des anneaux d'en face. J'ai l'impression de vivre avec du monde qui ont régressé dans le tribal. En tout cas. C'est respectueux. Ben oui, je fais mon possible. Je marche dehors présentement et de l'autre côté de la rue, une dame porte un gros sac sur lequel il est écrit La meilleure est à venir et sainte. OK. Ouais. Ah oui, ça c'est certain. On trouve ça drôle parce qu'on est capable ouais, d'ironie puis de voir. Beaucoup de gens pensent qu'il y a quelque chose de majeur qui s'en vient. Ben, moi, je sens une charge, je vous le dis, là. Mais c'est possible que ce soit des choses dont j'ai parlé il y a plusieurs mois. Ben, en tout cas, disons que je ne serais pas surpris, possiblement, peu importe ce qui se passe. Mais t'as l'air jeune, t'as quel âge? Je suis pas si jeune. Je suis moins jeune que ce que j'ai l'air. Disons que quelqu'un de 20 ans, je peux dire qu'il y a j'ai deux fois son âge. Ce qui est pas vieux tant que ça, là. Mais intérieurement, j'ai l'impression d'avoir plus d'un siècle. Dans la plaisanterie de Kundera. Kundera, un passage terrible sur le tutoiement comme agression. Moi, ben, les affaires et tout de microagression, je crois pas à ça, mais de domination. Vous savez, il y a des gens qui vont vous inclure dans une conversation en vous appelant par votre prénom suivi de votre nom de famille. Des fois, ça peut être par respect au niveau d'une vue, dans le sens que la personne vous inclut dans la conversation, mais au niveau de la vibration et du ton, ça peut être aussi par domination. Parce que comme on le savait dans l'Antiquité, quand vous connaissez le nom d'une entité, vous avez du contrôle sur cette personne. Sur cette chose, sur ce, peu importe. Donc, ça dépend. Tu es un prince, j'espère que non. Ben, franchement, non, pas vraiment. Vous savez, moi, je suis pour une société où il n'y a pas de noblesse. Ce que je respecte le plus, c'est les gens, par exemple, qui vont se construire un confort par. Le commerce, par exemple, si c'est des cas. J'aime les commerçants honnêtes. Bon, vous voyez, énergie masculine, énergie féminine. Dirais-tu que les homosexuels, transsexuels ont une énergie particulière? Non. Ce qui est particulier, c'est au niveau de la forme. Parce que, au niveau culturel, il y a certaines choses aujourd'hui que ils vont essayer de transposer ça au niveau d'une intégration par la forme, alors que ce n'était pas nécessaire. C'est devenu, on pourrait parler, c'est idéologique quelque part. Ça a tout le temps été politique. Ça a tout le temps été politique. Donc, énergie masculine, féminine, regardez dans le taoïsme, il était question de, pas des hermaphrodites, mais des, vous savez, là, quelqu'un qui a une certaine androgynie. Parce qu'il y a une réintégration de l'énergie contraire pour, vous savez, au niveau du taoïsme, de la. Mais c'est pas obligé de se traduire au sens que de devenir une revendication politique comme on a là. Il y a quelque chose de malsain. Ce qu'on vit dans notre société maintenant, c'est pas une intégration par l'androgynie. C'est une domination par de la confusion des gens. Puis c'est lié à de l'idéologique plus du politique. Donc, des fois, ça dépend. Il y en a que je vais sentir que, comme il y en a dans ma famille, puis je sens rien de malsain. Mais il y en a d'autres que je sens que c'est un parasitage. C'est là il va y avoir du revendiquage politique, puis de l'idéologique dedans. Là, c'est pas pareil. Penses-tu qu'on va tous passer dans le tordeur? Ben, on passe tous dans le tordeur tout le temps. Je veux dire oui, mais c'est pas parce que je le pense. Kundera était un auteur tchèque. Ah oui. Il a écrit sur la période de la dictature communiste, pas de délire, wow, de micro-agression. Ouais, mais vous savez, quelque part, c'est lié, parce que ça a changé de forme. Mais on est dans une dictature communiste, que vous le vouliez. C'est un peu, ça revient à ça quand même. Moi, à mes yeux, le wokisme, là, ça me fait penser, justement, il y a des affaires là-dedans qui sont pas. Regardez juste la confusion des genres. Dans le temps de Mao, on faisait porter le même uniforme aux hommes et aux femmes. Mais là, à cette heure, maintenant, c'est la confusion des genres. C'est une autre technique, mais pour les mêmes buts. Ça vise les mêmes buts. La destruction d'une certaine identité pour une reconstruction. C'est pour ça que j'aime pas parler d'homme nouveau, parce que ça a été récupéré politiquement puis idéologiquement. Puis, on parle pas de la même chose que ces gens-là, là. Mais eux, autant les bolcheviks que les nazis ont parlé d'hommes nouveaux. Alors que c'est leur homme nouveau à eux. Pour moi, c'est l'antéchrist mondial, la possession par le double luciférien. C'est un paquet de choses. En tout cas, moi, je veux rien savoir. C'est le super animal de Nietzsche, le surhomme nietzschéen, qui est rien d'autre qu'un super animal. En tout cas, impression que la Russie va agir militairement pour mettre fin au nom et instaurer un truc. C'est pas clair, mais on va sûrement. Ouais, ben, il y a une hypocrisie, il y en a tout. C'est un théâtre, hein, le Est-Ouest. Qui a financé la révolution bolchevique, je veux dire. Il y a toujours eu des agents anglais en Russie qui foutaient la merde. Rasputin, il n'a pas été tué juste par des nobles russes, là. L'Angleterre a joué un rôle là-dedans. Puis après, dans la chute des Romanov, puis après, dans l'instauration Lénine, puis après, le stalinisme. Voyons, là, il n'y a pas une polarité Est-Ouest comme on nous l'a fait croire. C'est un théâtre qui a servi à justifier toutes sortes de folies. À l'Est comme à l'Ouest, tous les militaires, les budgets militaires de la guerre froide, ces choses-là. Bonjour Berthold. On dit que la Terre a subi plusieurs déluges. Oui, ben, c'est lié au cyclisme, c'est cyclique. À la fin d'un. Bon. Comme l'Arche de Noé. Ben, qu'est-ce que j'en pense? Oui. Ben, oui, c'est juste. Comme le cycle d'avant, on va dire les temps antédiluviens. Avant le déluge. À un moment donné, ils rouvrent les vannes, les autres, puis ça vient pas nécessairement juste d'en haut. Au niveau du magnétisme de la Terre, il y a beaucoup d'eau qui est contenue dans certaines cavités. Quand il y a un certain changement au niveau cyclique qui se produit toutes les 26 000 ans, je dirais à peu près, là, l'eau remonte. C'est sûr qu'il pleut parce que l'humidité change, puis bon. On verra, rendu là. Mais c'est pas pour rien que je suis où je suis et je reste où je suis. C'est un des points les plus très élevés. Bon, en tout cas, savais-tu que Brigitte Macron, c'est quoi toutes ces niaiseries-là? Je crois pas ça, monsieur, madame. Là, c'est rendu Céline Dion, c'est un homme. Brigitte Macron, c'est un homme. On est à vue d'apprendre que François Legault, c'est une femme, que le pape, c'est une femme. Bon, on va retomber comme dans le temps de la papesse Jeanne. Est-ce que Brigitte Macron est un homme? Je le sais pas, madame. Mais même là, ça change quoi? Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'a pas la structure osseuse du crâne d'un homme. Ça se voit ici par les arcades sourcilières puis la boîte crânienne. Moi, c'est comme ça que j'ai vu immédiatement que Theresa Tam est un homme. Notre directrice nationale de la santé, c'est un homme. Je l'ai vu tout de suite par la structure de son crâne. Mais Brigitte Macron, j'ai pas vu ça, j'ai pas remarqué ça. Moi, je pense que c'est une femme perverse qui a perverti son élève, Emmanuel Macron. Elle a fait un détournement mineur, puis elle a le cerveau programmé. Il a fini par travailler pour des banquiers, les Rothschild, puis à cette heure, il accomplit sa mission de marde, parce que comme partout dans tous les pays de la planète, la majorité des gens sont naïfs, puis ils ont aidé à mettre au pouvoir cet imbécile. Qui n'est pas ben plus vieux que moi. Mais elle, Brigitte Macron, c'est rien que celle qui l'a pervertie, qui a fait un détournement mineur, cette espèce de vieille putain. Moi, je trouve qu'elle a la vibration d'une vieille saloperie, d'une vieille. Mais d'un homme, non. Je trouve pas qu'elle a l'air d'un homme. Elle n'a pas la structure crânienne d'un homme. Pour moi, qu'on me prouve, pour que je sois certain que c'est un homme, elle, faudrait faire l'autopsie puis trouver la prostate. Voir qu'à l'interne, il n'y a pas les organes. Peut-être que c'est une sorte d'hermaphrodite. Je sais pas. C'est clair que c'est du monde pas normal. Ça, je suis d'accord, elle n'est pas normale. Hein? Ça, c'est évident, là. Ça se sent. C'est pas je dirais pas que c'est un homme quand même. Là, faut pas. Je sais pas. De toute façon, quand bien même ce serait le cas, on fait quoi avec ça, là? C'est-à-dire que quand bien même vous rendez l'information publique, ça va discréditer comme complotiste fou ceux qui rendent ça public. Ça peut pas servir à rien. Donc, je crois pas à ça. Oui, c'est vrai, nous sommes en dictature. Ben oui. D'ailleurs, on nous a beaucoup menti sur gauche-droite, la polarité politologique. Prenez. Les nazis, par exemple, c'est un mouvement d'extrême gauche. National-socialisme. Socialisme. Puis il n'y avait pas la liberté de commerce dans le sens que c'était, il y avait une oligarchie commerciale au niveau de corporations, de super corporations, qui avaient des privilèges accordés par le régime. On a affaire à une dictature d'extrême gauche. C'est des dictatures d'extrême gauche. Ça n'existe même pas. L'équivalent à droite. Moi, je suis d'extrême centre. C'est pour ça que j'ai fini un trou de cul. Donc, le revendiquage idéologique est souvent une façon de protéger, de projeter à l'extérieur d'autres problèmes liés à un manque d'autorité personnelle. Ben oui, ben c'est comme ce qu'on parlait tantôt, c'est lié à un trouble de l'identité. Dans ce temps-là, puis que c'est pas intégré, puis tout, puis ça paraît, puis sur eux autres, j'ai de la misère. Donc, oui, une soviétisation culturelle et sociale à l'échelle mondiale. Ben oui. C'est ce que je pense aussi. On parle de rendre la vaccination obligatoire en France. Comment ça? Ben, ça, vous le verrez quand vous allez réagir, si c'est le cas. Mais je suis pas tout seul, mais moi, ça peut pas être obligatoire parce que ça contrevient à plein de principes, je veux dire, les chartes sont censées avoir préséance sur des lois, en particulier sur des décrets. La France, c'est le pays des droits de l'homme, donc c'est certain que vous allez goûter particulièrement. Et ceux qui construisent plusieurs générations plus tard sont les mêmes des constructionnistes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. Donc, ce que les loges ont construit dans le temps pour détruire la société d'alors, pour construire une société avec une classe moyenne comme il y a eu après, là, ça fait partie du plan maintenant de détruire ça. Ben, c'est les mêmes qui ont créé les droits de l'homme qui vont les violer. Les mêmes qui ont théorisé Donc, ça ne m'étonnerait pas que la France s'y goûte plus qu'ailleurs, parce que c'est le pays des droits de l'homme. Donc, ça pourrait devenir le pays du viol des droits. Très prochainement, peut-être. Les Français, là, il y a eu une cabale qui dure depuis longtemps pour, comme si vous étiez coupable pour toujours, là. Ça, j'ai bien de la misère avec ça. J'ai bien de la misère avec ça. Vous savez, là, la Révolution française, c'est lié à des vieilles chicaneries. Des vieilles chicaneries. Puis, c'est une guerre, hein? C'est une guerre qui dure depuis longtemps, qui n'a jamais arrêté. C'est des. Bon, en tout cas, vous verrez bien. Mais j'avais mis la France dans les pays qu'il fallait surveiller, notamment avec l'Espagne. En tout cas, l'Italie. Donc. Et en Iran aussi, la patte griffue du Britannique a rendu. Ben oui. Ben oui, notamment avec le petit chien des Américains. C'est drôle, on avait voulu faire passer l'Angleterre comme le petit chien des Américains. Alors que bon. Mort de Mossadegh, révolution islamique avec la complicité de la France. Ben oui. Vous savez, là, sont là. Il fallait qu'ils se créent un ennemi. Donc maintenant, on a la République islamique d'Iran. C'est les mêmes qui ont aidé à construire ça, qui ont mis le chat à terre. En tout cas, je sais pas que je suis tant un fan que ça du chat d'Iran, mais j'aime mieux ça que les ayatollahs. Oh, vous savez, là, il y a tellement d'hypocrisie là-dedans. Moi, ouais, j'en ai perdu, je pense. OK. Quel genre de choc ou d'événement peut ramener à la raison un revendicateur idéologique style Greta revenu? Ben, elle est programmée, là. Vous savez, les expériences que j'ai parlé, là, comme il y a eu dans les sous-sols d'Université McGill, puis Julian Assange dans sa jeunesse, dans son enfance, puis Greta, là. C'est du monde souvent qui sont dans le milieu culturel, entre autres, là, puis les parents de Greta, c'est des artistes. Des affaires du monde liées au monde artistique, puis en tout cas, la complicité, le bon. Quel genre de. Vous savez, là, donc, des Gretos, ça se ramène pas, ça. Style Greta, revenu, minuit. Je sais pas si vous parliez de ça. Ah non, vous parliez d'autres choses, vous. En tout cas, de toute façon, là, je avoue qu'il y a tellement de messages qui sont accumulés. J'aimerais ça répondre à tout avant de quitter. Là, je vais au moins déjeuner. Mais bon. Je m'excuse aussi, j'ai mal répondu. Je vote pas. Mais si Bertil se présente en politique, ouais, mais là, inquiétez-vous pas. Si jamais je me présente en politique, vous allez pouvoir vous présenter à mes funérailles pas longtemps après. Quand quelqu'un comme moi se présente, il vit pas longtemps. C'est pour ça que j'ai jamais trop cru à Trump. Je me disais, si Trump était ce que les gens disent qu'il est, il serait mort. Hey, ils ont des machines, là. Ça fait des trous dans les toits de maison, là. C'est large de même. Puis il n'y a rien qui brûle autour du trou. Puis tout ce qui était dans le carbonisé. Puis... En tout cas, ils ont des capacités extraordinaires pour éliminer des gens. Donc, là, lui, il joue au golf sur des terrains, là. Puis, hey. Voyons là. La loi de l'univers du libre arbitre, les enfants. Oh, attendez, là, je pense que je l'ai perdu. Les enfants, ils n'ont pas droit avec la psychose. Ah oui, il est où le consentement éclairé? Puis même les parents, ils n'ont pas l'info. Ah, il y a des choses là. Ah non, c'est en 2076 qu'ils vont rendre ça public. Ah, il est où le consentement libre éclairé? Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris le contrôle de la planète. Ben, je m'en doute un peu, là. Mais moi, là, il va falloir. Ouais. Il va falloir m'abattre avant que je donne un consentement quelconque. Yeah. C'est comme quand j'entends Ah, oh, tout le monde a un prix. Ben, moi, si j'avais un prix, ce monde-là n'a pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens parce que même pour tout l'or de la Terre, c'est non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça si j'ai pas. Même pas la base de ce qui fait d'un humain à un humain. Un rêve, je me vois assis sur un banc, j'ai trois têtes. Une regarde à gauche et une autre devant l'autre à droite. Ah. C'est un rêve intéressant, mais je pourrais pas dire vite fait comme ça. De toute façon, l'information est pour vous. J'ai l'impression que, comme disait Saint-Augustin, tu es, les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Ouais, mais c'est avec des termes comme ça qu'ont fait les massacres pendant les croisades. Car l'esprit de chacun aidera à passer cette phase quand on passe d'un cycle à l'autre. Oui, mais quand même, il ne faut pas virer. Vous savez, Saint-Augustin, j'ai ses confessions, là. D'ailleurs, si j'ai des notions de latin, c'est parce que j'ai les textes en latin. Vous savez, les livres anciennement, vous avez le texte original en latin d'un côté, puis le français de l'autre. Puis je lisais tout le temps les deux. Puis Saint-Augustin, je le trouve pas mal. C'était bien brillant pour son temps, puis tout, mais là, on est maintenant, là. Donc, vous savez, là. Donc, à la finale, quoi qu'on fasse, on est foutu. Pas nécessairement. À part travailler sur nous, il n'y a pas. Ça, c'est correct. Oui, je vois pourquoi faire d'autre. Bonjour, Lorraine. Le petit dernier cri famine, bonne fin de journée à vous et merci pour cet échange. Au revoir, dit Coli. Selon moi, le contact réel avec l'esprit se contente dans la cinquième racine suivante deux modalités d'apparence opposées. Le mandat spirituel, la découverte scientifique. Ouais, mais là, il y aurait long à dire là-dessus, mais je ne peux pas totalement. Il y a des choses que je suis d'accord dans ce que vous me dites là. Il faut que je le réalise là. Le contact réel avec l'esprit se contente dans la cinquième racine suivant deux modalités d'apparence opposées. Vous savez, le mandat spirituel, ce n'est pas un contact avec l'esprit au sens de Jeanne d'Arc, là. Parce que là, on parle de des gens qui sont en contact avec des forces dans l'âme, ou animisés, si vous voulez. Puis même là, Jeanne d'Arc, si on prend l'exemple de Jeanne d'Arc, c'est un exemple qui est ambigu. Pourquoi? Parce que Jeanne d'Arc est possiblement, entre autres, une personne qu'on pourrait appeler du. C'est un peu un bon exemple, Jeanne d'Arc, de ce qu'on pourrait appeler. La programmation du contrôle mental de l'époque. Parce que il y a quelque chose de politique de lié à Jeanne d'Arc. Le contexte, là, avec Charles VII, puis tout ça, il y a des choses qui sont pas claires. Puis un candidat manchot, une fois qu'il a fait sa mission, vous vous en débarrassez. Puis Jeanne d'Arc, ils sont pas allés. Charles VII a rien fait. Une fois qu'elle a fait ce qu'elle avait servi, c'est comme si tout le monde se faisait leur affaire de. Vous voyez, là, c'est comme du mind control à mes yeux, un peu Jeanne d'Arc. Que ce soit à travers l'âme, par l'astral, pour accomplir une mission, ou que ce soit que ça passe par du politique, comme les stratèges de Charles VII, puis certaines personnes qui avaient des connaissances, à mes yeux, il ne reste pas un bon exemple. Puis Newton. Newton en a affaire à quelqu'un qui était très versé dans la cabale, entre autres, puis certaines autres connaissances. La découverte scientifique, est-ce qu'il y a réellement eu des découvertes? Peut-être que Newton, au niveau de la cryptographie, a fait des découvertes qui ont amené des choses déjà connues qui a pu les rendre publiques. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais. Peut-on faire un parallèle avec les quatre cavaliers de l'Apocalypse, dont le premier est la maladie, la mort, et le deuxième, la guerre? Ben oui. Ben, vous savez, l'Apocalypse, c'est un livre important pour moi. Donc, peut-être ce serait subjectif ce que j'aurais à dire. Mais vous regarderez, je ne sais pas si vous avez vu ça dernièrement, l'ONU a adopté une espèce de. Ils ont inauguré une grosse statue qui représente le gardien de la paix, de la sécurité. Je ne sais pas si tout est vrai, je n'ai pas vérifié beaucoup, mais c'est une grosse bête avec une gueule de jaguar, puis des pattes qui ressemblent à des pattes d'ours. Et puis, je sais qu'il est écrit dans l'Apocalypse, bon, cette tête. Puis mais est-ce que ce serait pas lié à un moment donné, le Conseil de sécurité de l'ONU va avoir sept sièges? Puis. T'sais, admettons qu'il y en a qui seraient exclus, puis on nous verra. Nous verrons, on voit à mesure. Bonsoir, Nicolas. Il faut aussi se méfier de l'interprétation subjective qu'on peut faire, donc, surtout au niveau des vieilles formes qui sont en avance, au fond. Il y a un truc important avec le consentement en ce moment. Il faut voir la couche occulte de ça. Voir ce à quoi on consent. Ben oui, sinon, il est où le consentement? C'est comme si je vous donne le choix entre Pepsi et Coca-Cola. Vous, connaissez-vous la différence au niveau de la recette parfaitement, puis au niveau des réactions physiologiques de ces deux liqueurs douces? C'est quoi? Il est où le choix? Moi, je choisis de pas boire ni un ni l'autre. Je suis persuadé que si je donne ça à des souris, elles vont mourir. Ah ben, bonsoir, monsieur Trajan. Depuis que j'ai pris connaissance du supramental, j'ai du mal à trouver une position vis-à-vis des autres au point de me retirer de plus en plus. C'est une phase. Vous allez voir, c'est une phase. Il y en a beaucoup qui ont vécu ça aussi. Donc, ah Cindy, je ne sais pas ce que vous dites comme vrai. Le consentement, c'est comme le libre arbitre? Non. Pas tout à fait. De toute façon, il s'agit ici de concepts. Vous savez, c'est des concepts intellectuels, le consentement. C'est quoi réellement le consentement? Si on le regarde psychologiquement, le consentement, il se tient en lui-même au niveau de l'intellect. Mais si on le regarde occultement, le consentement est une illusion. Parce que si l'être humain possédait réellement un libre arbitre, ça voudrait dire qu'il possède réellement une vue objective. Or, si l'être humain possédait réellement une vue objective, il verrait toujours en temps réel ce qui est de plus logique à faire. Il n'y aurait pas de choix. Il n'y aurait pas besoin de faire de choix. Tout irait de soi. Donc, de quoi parle-t-on? Voyez, là, c'est subtil, là. C'est au niveau des illusions, des réflexions de l'ego psychologique que toutes ces choses-là peuvent se tenir. Mais dès qu'on en sort, qu'on le regarde occultement, on se rend compte que ça fait partie des illusions psychologiques de l'ego. C'est contextuel, le libre arbitre. Donc, s'il y aurait une connaissance parfaite du contexte, là, il y a une objectivité qui se crée en dehors du contexte et il y a une vue objective, mais il n'y a plus besoin de libre arbitre à ce moment-là. Parce que l'ego va voir toujours ce qu'il y a de plus logique à faire. En temps réel, il va agir d'une façon autorégulée à des lois de logique puis d'intelligence réelle, puis c'est pas dans ça qu'on est encore. Donc, pour créer l'automobile, la cinquième race racine a-t-elle recyclé d'anciennes mémoires issues de civilisations passées ou a-t-elle établi un réel contact avec l'esprit? Il a fallu qu'il y ait du contact avec l'esprit parce qu'il y a du nouveau. Mais il reste que l'automobile, il y a un bricolage de différentes idées déjà préexistantes ensemble. C'est-à-dire, il y avait déjà des moteurs, puis il y avait déjà des charrettes tirées, des voitures tirées par des chevaux, puis il y avait déjà des gens qui avaient théorisé l'idée de voitures qui se mouvaient sans chevaux. Prenez la mère Shipton, qui avait prédit, je pense au 16e siècle, les voitures évolueront sans chevaux et plein d'accidents créeront du désarroi dans le monde, des choses comme ça. Est-ce que c'était de l'humour ou réellement de la voyance? C'est là que ça devient intéressant. Donc, il faut qu'il y ait un contact avec l'esprit au sens où il y a quelqu'un qui va innover. Mais ça vient pas de lui. C'est parce qu'il y a une capacité de visualisation. Prenez Tesla, par exemple. C'est une extraordinaire capacité de visualisation. Entre autres. Mais on remarque chez ce monsieur-là, au niveau social, puis de d'autres contextes, qu'il était d'une grande naïveté. Donc, développer la TA pour la statue, moi. Développer la technologie matérielle, est-ce une expression de créativité réelle? Ça dépend tout le temps de ce qu'il y a derrière. Puis c'est difficile parce que là, ça touche le collectif. Donc, il y a toujours quelque chose qui est lié à une expression de créativité réelle. Et non spirituel. Ben non spirituel, la technologie, elle peut être teintée de spiritualité. Mais même là, il faudrait élaborer plus. Développer la technologie matérielle, est-ce une expression de créativité réelle et non spiritualisée de la cinquième race racine? Mais vous savez, toutes les races racines ont eu de la technologie. C'est pour ça, là, l'affaire de. Comment est-ce qu'on pourrait dire que c'est spiritualisé ou pas de la technologie? Ça dépend ce qu'il y a derrière au niveau de l'intention. C'est l'intention qui va être spiritualisée ou pas, puis là, ça va teinter un peu la technologie. Mais bien franchement, là, j'aurais de la difficulté à répondre à votre question. Il y a des choses qui me bloquent dedans parce que c'est pas assez clair. Au niveau du contexte, puis de ce que développer la technologie matérielle, est-ce une expression de créativité réelle et non spiritualisée de la cinquième race? Ça me dit que non. J'ai fallu que je la relise plusieurs fois, puis même là, si je te demande pourquoi, ça va être encore, va falloir que je la relise encore 15-20 fois. Pourquoi non? Comment ça? Pourquoi ça me dit non? Développer la technologie matérielle, est-ce une expression de créativité réelle et non spirituelle de la cinquième race? En tout cas, je pourrais passer du temps là-dessus, puis ça me prendrait une machine qui enregistre, puis je ferais pause, record, parce que je serais tout le temps, vous m'entendriez 10 fois aller relire la question, relire la question, relire la question. Hey, Lise Dupéré, vous avez retiré votre message, je n'ai même pas eu le temps de le voir. J'ai vu un message assez long, puis après il a disparu. Mais si vous avez une. De toute façon, je vais devoir aller dîner. Je savais que j'allais. Que le show, j'allais finir par appeler la SPCA, puis je savais d'avance que j'allais m'en vouloir psychologiquement. Donc, à peu près dans les temps que. En tout cas, je reviens à ça. Je parasite aujourd'hui par cette affaire-là. Mais ça va m'avoir permis un peu de prendre une pause de tout ça. Mais j'ai mal dormi. Je repense à ça, là. Je peux pas m'empêcher. Lorraine Bernard dit avoir une haine contre toutes les forces occultes. Oui. Moi, ce que j'haïs, c'est pas les forces, c'est le fait qu'il y a de l'occulte. Occulte. Ce que j'haïs, c'est le fait qu'on a une subjectivité de notre vue, qu'on n'a pas accès à notre pleine intelligence, pas à notre plein potentiel. C'est ça que j'haïs. C'est pas les, tu sais, c'est le fait que c'est occulte qui est détestable, qui est haïssable. Le supramental pourrait-il être utilisé à mauvais escient? Je pense que oui. Dans le sens d'une récupération. Mais pas dans le sens le phénomène. Mais ce qu'il apporte est le contexte. Ça, oui. Puis d'ailleurs, ça va être récupéré à mauvais escient. Ça, vous pouvez être sûr. Que pensez-vous de l'énéagramme A de Gurdjieff? J'ai fait des travaux au niveau de mon propre système pour voir si c'était une clé intéressante. Comme j'avais fait avec le Yiking. Parce que j'ai tout découvert un système de cybernétique qu'on peut décrypter n'importe quoi avec ou le retranscrire sous d'autres formes avec. Puis c'est quand même intéressant. Mais moi, c'est au niveau de la forme mathématique. C'est pas au niveau de ce que les Gurdjieffiens faisaient avec. Donc, puis je connais pas assez la doctrine de Gurdjieff. Puis de toute façon, un vendeur de tapis. C'est pas que j'ai quelque chose contre Gurdjieff, au contraire, mais je sens que c'était. Il y avait pas. En tout cas, il y a quelque chose là-dedans que. Il était pas parfait. Hein? Puis même. Ben, l'énéagramme, moi, j'ai étudié la forme, en tout cas. C'est sauf le triangle avec le. Un argument pour aider une personne à prendre conscience de sa croyance et de sa victimisation. Vous savez ce qui est. Paradoxal, c'est que un argument pour faire comprendre, vous voyez là, prendre conscience de la croyance elle-même, c'est lié à des arguments, donc c'est plus par des exemples concrets qu'on peut démontrer à quelqu'un que quelque chose est erroné, si vous voulez, que par des arguments. Ça ne dit pas d'aller les récupérer, ce chat, ils voudront jamais. Hey, je les ai trouvés assez bêtes pis caves que je me suis pas gêné de leur dire, pensez-vous. Ils ne voudront jamais que je leur prenne. Je pourrais envoyer quelqu'un le récupérer, mais là, je vais être obligé d'avertir la propriétaire, puis je vais avoir coûté 75 pièces par mois. Il n'y en est pas question, je peux pas. Ça n'a pas de bon sens. Donc, Je vais espérer, souhaiter que quelqu'un de bien l'adopte. Ou que son propriétaire, parce que j'étais pas tout seul à le nourrir, là. Il faisait 17 livres, là. Donc, qu'espérer que quelqu'un l'ait récupéré. Mais comme il ne faisait pas castrer personne, moi, je considère que c'était des irresponsables. Si je l'avais gardé, je l'aurais fait castrer. Si j'avais eu une maison, je l'aurais gardé, ça, c'est sûr, parce que je l'aimais beaucoup. Mais bon. Ah, bon, ben, tant mieux, alternatif. Merci de votre présence, Lucide, avant midi. Prenez bien soin de vous. Ah, ben, merci à vous. Oui, je vais quitter aussi. J'ai vécu un événement assez intense suite à un cumulatif perdant tout ce que. Tout, attendez, perdant tout ce à quoi je m'identifiais, je me suis effondré et retrouvé dans un espace intérieur de vide. Ben, vous voyez ça, c'est extrêmement difficile sur le coup, mais vous êtes essayé de quelque chose de transmutatif à mes yeux là-dedans. Pas une transmutation, là. Pas une transformation, mais une transmutation, dans le sens que vous ne pouvez pas faire autrement que d'intégrer quelque chose dans des choses comme ça. Les choses évoluent souvent dans le traumatisme, malheureusement. Le psychologique doit être fracassé pour qu'on en sorte. Donc, ah, vous l'utilisez dans votre profession? Ben oui, vous parlez de quoi? Ah, l'énéagramme. J'ai un petit peu avec ça. Vous savez, comme moi, j'ai vécu dans le temps, là, dans les années 80, là, il y avait des modes qui venaient de Osho, là. Vous savez, Bhagwan Rajneesh, puis des affaires de même, là, puis il fait Jung aussi était à la mode, puis toutes sortes de courants comme ça qui étaient arrivés dans l'enseignement. Puis à ce moment-là, il y a beaucoup de gens dans l'enseignement qui étaient des, on va se le dire, là, des hippies, du monde qui avait eu leur jeunesse dans les années 60 et 70. Puis toutes ces affaires hétéroclites-là qui étaient à la mode, puis que ces gens-là essayaient d'amener aux enfants, puis tout, moi, j'ai trouvé ça malsain. Vous savez, là, l'enseignement, c'est pas compliqué, là. C'est comme la règle des trois R, les trois R, puis certaines choses que nous savons empiriquement que cela fonctionne. Puis toutes les réformes qu'il y a eu, puis moi, ça, je l'ai pas digéré encore. Il y a eu quelque chose de la contre-culture qui s'est immiscée dans l'enseignement, puis je compte ça. Je veux dire, si vous l'utilisez dans votre profession d'enseignant pour mieux comprendre votre rapport avec les élèves, puis le rapport au savoir, ces choses-là, c'est correct. En autant que vous ne le dessinez pas sur un tableau, puis d'expliquer ça à des jeunes. Parce que ça peut pas. Vous savez, là, le travail d'un enseignant, c'est que c'est la matière. Faire intégrer la matière aux étudiants. Oh ben, l'énéagramme, c'est pas de la matière. J'espère juste que vous enseignez pas des notions ésotériques au niveau de votre travail d'enseignant. Okay, mais que ça peut servir, oui, que je suis d'accord, ça peut vous servir comme enseignant. Mais là, c'est au niveau de d'avoir une vision différente de votre enseignement, votre rapport aux élèves, puis de leur rapport à l'intégration des connaissances. Là, peut-être, oui, ou de la psychologie, du savoir, ou bien même au niveau de la science de l'enseignement, ce qu'on appelle, voyons, celui-là qui avait théorisé ça, là, la science de, pas de l'éducation, mais le, pourquoi il y a un terme pour ça, ils veulent pas me donner, là, que ça veut pas me donner. En passant, quand je dis « i », c'est rien, là, c'est rien qu'une forme. Mais j'ai un petit peu de misère avec l'idée d'amener des notions ésotériques à des étudiants. Je me demande si ça, vraiment, ça, si c'est ça, là, si vous, t'sais, vous n'êtes pas en train de parler à des enfants. Vous savez, parce que quand j'étais enfant, il y avait même des enseignantes qui étaient ésotériques pas mal, là, au point de parler de troisième œil à des enfants, des choses comme ça. Puis ça, moi, je suis contre. Je considère que ça va pas sa place. L'important, là, c'est vraiment de faire intégrer la matière aux étudiants. C'est ce que je voulais dire, là. Mais ça, oui, ça peut servir au niveau de votre vue, votre rapport à tout ça. Mais pas amener des notions ésotériques, là. Je veux dire, l'école ne devrait pas servir à donner des notions hétéroclites prises à gauche, à droite. Il n'y a plus de misère avec ça. T'sais, pas devenir comme un peu comme Richard Glenn, lui, il était professeur d'éducation physique, puis lui dit, oh, ben, à un moment, j'ai laissé cette profession pour devenir l'enseignant de toute la province. Parce que lui, là, il se prend un initiateur ésotérique, là. C'est dangereux, tout ça. Ça a absolument. Moi, à mes yeux, à moi, ça n'a pas apporté rien. Au contraire, ça a nui terriblement, puis. T'sais, de juste de le faire objectif. Ouais. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, puis je veux pas non plus vous désapprouver, là, parce que je sais pas de quoi vous parlez au fond. Je pense que plusieurs ici seraient disposés à verser une contribution. Non, non. Ben non, voyons, là, franchement. Là. Il y avait un rapport clair entre la génération de l'espace d'observation et le coin du contrôleur dans le Pentagone. Moi, il faudrait à un moment donné, je vais ressortir tout ça. Il faut que j'achète un tableau. Là, moi, je suis pas dans une école publique, là, je peux amener ça. En tout cas, j'apprécie énormément tes partages ainsi que les questions-réponses. Bonne journée. Ah bon, ben, vous aussi, bonne journée. Moi aussi, je vais quitter. Je vais répondre les deux dernières, puis je vais quitter. Un espace qui voit sans être vu, ouais. Ni victime, ni bourreau, ni sauveur, ni témoin. Cet espace est au-delà. Oui, mais c'est parce qu'il y a quand même au niveau des formes dont on parle, là, de la géométrie sociale, eux, ça, il va y avoir une action pareille, là, de mis dans l'espace. Okay. Il y a un espace objectif, mais dans le but d'agir dans un espace subjectif. Donc, les mots physiques liés à l'initiation peuvent-ils être traités ou est-ce illusoire? Ça dépend toujours. Il y a des gens qui ont vécu des expériences tellement dures que le système nerveux est atteint. Puis, j'ai jamais vu la possibilité de traiter ça. Malheureusement. Donc, ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle. Il y a des gens, semble-t-il, qu'ils ont en cette vie-ci, si on peut entre guillemets, là, je ne suis pas en train de faire parler au niveau d'un contexte comme s'il y avait plusieurs incarnations, mais on dirait qu'il y a un plafond d'intégration, malheureusement, semble-t-il. Puis c'est pour ça que c'est du cas par cas. Je dirais que c'est du cas par cas, ça dépend du contexte. Donc moi, je vais vous quitter. Je vais aller déjeuner, puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Donc, merci à tout le monde.